Sainte-Terre, bonjour. Bonjour, shalom frère. Bienvenue, bienvenue. Nous venons d'écouter l'artiste Emma dans l'album Ton amour me libère, qui a pour titre Tu es tout pour moi. Rebonsoir le frère Francis. Bonjour le frère Francis. Bonjour. Au couple. Bonjour la sœur Linda. Bonjour. Rebonjour encore du côté des Tangiers, le frère Melchior, bonjour. Je crois qu'elle est bien positionnée là, le frère Melchi. Un fois, attendez. Le frère Melchi. Oui, j'ai pas fait parce que ça a calé. Ok, du côté des Tangiers. Un défaut de connexion là. Bienvenue encore. Et le frère Prince du côté des Rabat, en pleine méditation au centre-ville. Bonjour, bonjour. Le frère Joben, bonjour encore. Et bienvenue dans cette autre partie. Oui. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse dans la deuxième partie, puisque la première partie, nous avons vu la semaine dernière, concernant, et ces diagnostics, ce sont les diagnostics pour montrer tout simplement que l'Église va mal, et il est temps qu'on tire la sonnette d'alarme afin que ceux qui cherchent le Seigneur, parce que beaucoup de personnes sont embrouillées justement, vous voyez les gens qui ont tellement été embrouillés par toutes ces choses, et même des païens, même qui dénoncent ces choses au point où on dénonce, même des païens, même sur YouTube et autres, les païens, dénoncent ce que font le pasteur et on trouve cela et curieusement les croyants trouvent cela normal. Ce sont ces choses que nous avons commencé à développer dans la deuxième partie. Et maintenant, la troisième partie, si vous le voulez bien, soyez-en prêts. Je vous mets une série de vidéos et on va voir, on revient par la suite. Il y en a tellement de vidéos, je vais mettre quelques-unes, on va faire des commentaires, puis on va y revenir. Allez, c'est parti maintenant. On commence par qui là? Le frère Jobin est déjà là. Frère Jobin, il est là. Oui, frère Julien, je suis là. Je vous souhaite bienvenue. J'espère que le frère Melchior a son micro ouvert. La vidéo est en train de susciter beaucoup de mégarde. Et justement. Donc c'est pour cela que je l'ai, oui. Sinon, je risque de ne plus. Et justement, comme à Brazzaville, c'est pas évident avec les brigands là. Courage, courage. Courage, mon frère. Je crois que dans la deuxième partie, nous avons passé de bons moments, n'est-ce pas? Amen. Patientez le temps que la vidéo se cale là devant vous. Je crois que déjà, avant qu'on ne plante la vidéo, je crois que le frère Francis était en train de parler au niveau du développement, le fait qu'il avait été influencé par Munro et toutes les autres personnes. Et puis la seule idée est entrée avec les passages à niveau, c'est les passages de quoi? Les 31 avec les poulets, qu'on les fait fatiguer au point où c'est la fumée qui l'endormait dans l'église maintenant. Frère Francis, est-ce que franchement vos collègues, les pasteurs, étaient conscients de ce qui leur arrivait, que ce qu'ils faisaient était anti-biblique? Voilà, c'est la bonne question. La vérité, c'est que nous le faisions en s'appuyant toujours sur la parole du Seigneur. Ce n'était pas des choses que nous faisions hors de la parole du Seigneur. Vraiment, si le Seigneur va le permettre, on va essayer. J'aimerais qu'on essaye vraiment de prendre point par point pour montrer comment. Ça influence négativement, comment déjà c'est anti-biblique, ou c'est anti-pensée du Seigneur, et de deux, comment est-ce que ça peut influencer négativement les vies de ceux qui adhèrent à ces choses. S'il faut commencer par exemple par le début, la première des choses. Déjà, pour qu'une dénomination se crée, arrive pour être telle qu'elle est, il faut d'abord qu'il y ait un homme. Un homme qui dit avoir reçu une vision de la part du Seigneur et qu'à partir de cette vision-là, il va mettre sur pied ce qu'il va appeler son église ou bien l'église. Et cette vision-là se base toujours sur un verset, c'est-à-dire quelqu'un va faire soit un songe, soit il va entendre une parole lui être dite, soit une voix va lui parler. Bref, d'une manière ou d'une autre, il va recevoir quelque chose. Et il va essayer d'arrimer ce qu'il a reçu là à la parole. Par exemple, pour le cas de figure dans la dénomination où j'étais, le verset de base sur lequel on s'était appuyé, c'était Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 il nous parle des ossements desséchés. Et donc, le visionnaire, ayant reçu cette vision, c'est basé sur ce passage-là, non seulement pour dénommer ton église et pour donner la marche à, c'est-à-dire pour montrer que voici le message spécial ou bien voici la mission spéciale que le Seigneur m'a donnée. Dans notre cas, c'était le Seigneur avait donné la mission de, ça s'appelait, c'était restauration. Le Seigneur lui avait donné la mission de restaurer les âmes. Par exemple, dans Ézéchiel 37, on nous parle des ossements qui sont desséchés. Et ensuite, on demande au prophète Ézéchiel de prophétiser sur les ossements. Et après, petit à petit, la chair revient, le corps revient, et une armée s'élève. Et donc, c'était là le point central de la vision qu'il dit avoir reçu. Donc, Notre message principalement se fondait, se basait tout tournait autour de la restauration, c'est-à-dire que Dieu l'avait envoyé pour rassembler, ensuite pour former et ensuite pour envoyer. Donc c'était là les trois déclinaisons de la vision qu'il avait reçue. Donc déjà quand on voit là, c'est pour dire, je prends ça pour montrer que ce n'est pas des choses qui sont extérieures, qui viennent seulement comme ça. C'est les gens reçoivent des visions, ils se basent sur des versets bibliques ou bien trouvent des versets bibliques et Et construisent leur empire à partir de avancent, là. voilà, et construisent leur église sur ce socle-là. Donc ce qui fait que quand quelqu'un arrive là, il est tout de suite interpellé, il est tout de suite marqué. Il dit non, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être quelque chose de faux. Ça vient probablement du Seigneur parce qu'un verset biblique accompagne la vision. Et donc, la quasi-totalité des assemblées aujourd'hui chrétiennes, c'est comme ça que ça commence. Ça commence par un homme qui a une vision et qui, sur la base de cette vision-là, va bâtir une assemblée. Voilà. Et là, on pourra déjà voir que ça pose un véritable problème. Voilà. Le frère Francis, prenons les stylos avec des feuilles si possible et suivons ces différentes vidéos-là et revenons-y après, tout juste après. OK. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde, vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Oui, on voit l'écran. Ok. 5 sur 5. Issus de mouvements religieux américains, les églises de réveil se sont très vite propagées en Afrique, notamment au Togo. On les rencontre sous une multitude de dénominations et leur diffusion très rapide est due à la déception des fidèles chrétiens à l'égard des structures religieuses classiques. À cela, il faut ajouter la liberté de culte et de religion reconnue à chaque citoyen. L'avènement de la démocratie au Togo a amené également la liberté d'expression, puis la liberté de religion, ce qui a fait que il y a eu toute une floraison d'églises qui ont apparu dans les années 90. Et donc aujourd'hui, on voit beaucoup d'églises à Lomé qui essaient de vivre sur des doctrines, soit des doctrines tirées de la Bible. Et donc aujourd'hui, il faut dire qu'il y a plusieurs églises à Lomé. Cela n'entache en rien l'adoration de Dieu. Maintenant, il faut aller comprendre ce qui se passe dans ces églises-là. Paul a bien signifié que plusieurs d'entre vous se lèveront et enseigneront des fausses doctrines. Et Paul a appelé chaque chrétien nouveau converti à faire beaucoup attention. Et Paul a aussi dit que les derniers jours, beaucoup d'églises ou bien beaucoup d'apôtres, de prophètes viendront avec leurs prédications. S'il est difficile de chiffrer le nombre de fidèles priant au sein de ces églises, en raison de la multiplicité des chapelles, les pratiques de certains pasteurs qui officient en ces lieux ne sont pas exemptes de reproches. Les fidèles sont soumis à un certain nombre de pratiques qui peuvent apparaître comme contraignantes et qui profitent d'abord aux pasteurs. La plupart de ceux qui se proclament apôtres, forshoppes, trishoppes, tout ce que vous voulez, des prophètes et autres là, ils n'ont pour Dieu que leur ventre. En fait, c'est des gens qui n'ont reçu aucun enseignement, qui s'autoproclament. Et ils utilisent le nom de Jésus-Christ comme un fonds de commerce. C'est comme le Seigneur Jésus quand il était là. La plupart des Juifs faisaient le commerce dans le temple. Quand il était venu, Jésus, il a fait quoi? Il a pris une cravate, il a chassé les gens dans le temple. Si nous voyons aujourd'hui, on vend de l'huile aux gens, de l'huile d'olive aux gens, en lui attribuant des vertus, on vend de l'eau aux gens, on vend, je ne sais pas, des mouchoirs aux gens, on vend des prières aux gens, on vend des épines, des épingles aux gens pour piquer Satan, on vend des coupe-coupe, des armes, des pistolets fabriqués et autres là aux gens, je ne sais pas, on vend même des miracles aux gens. Moi, je pense que ces gens qui réalisent ainsi ont raison parce que, laissez-moi vous dire, la foi en Jésus-Christ n'a pas besoin de support. Là où on met un support, ça rentre dans le mysticisme. Et c'est dangereux. Quand les gens parlent, il n'y a pas de fumée sans feu. Arnaques financières, spoliation des biens matériels des fidèles sont là quelques critiques et qui sont le fait de certains reconnaissent ce pasteur. Je suis écœuré lorsque je suis pasteur. Des fois, quand je passe ou je suis dans un groupe de personnes, on m'appelle pasteur. Des fois, j'ai honte. Pourquoi? Parce qu'on m'associe aussi à la foule, vous voyez, à la foule. Or, nous sommes des gens, nous sommes garants de la foi et de la vie d'excellence des gens. Or, nous faisons vivre les gens dans une vie de médiocrité, en les drainant dans les sphères inférieures de la vie, c'est-à-dire qu'en les déconnectant du vrai pour les brancher au faux, à Satan. Donc, je suis triste souvent. Des fois, j'ai même envie de disparaître quand on parle de pasteur à cause de ce que les autres ont miné le terrain en s'écartant de la saine doctrine. Ces pratiques existent et ce sont elles qui attirent les fidèles le plus souvent en quête du bien-être social. J'ai eu quand même à visiter 2 ou 3 églises où j'ai vu des choses à laquelle je me dis, mais est-ce que vraiment ces trucs-là aussi se trouvent dans la Bible? Où on expose de l'huile d'olive, ou bien du ruata, des sachets d'eau, tout ça. Et puis on dit, voilà, on a prié, on dit que celui qui vient acheter ceci à 100 000, ou bien on fait des ventes aux enchères, quoi. Voilà, donc ce genre de choses se passent dans des églises. La parole de certains hommes de Dieu est souvent plus que parole d'évangile. Il est donc nécessaire de faire la distinction entre les églises en tant qu'institution et le comportement de certains de leurs dirigeants. Dans ce contexte et au nom de la liberté des cultes, l'État ne peut que se tenir à l'écart. Donc moi, je pense que le gouvernement, par exemple, prenons le cas de notre pays, moi, je pense que, comme au Ghana, il y a un ministre du culte. Je pense qu'il doit y avoir un ministre du culte dans le pays pour régulariser les choses. Regardez, quelqu'un qui souffre du cancer et du diabète, par exemple, de la tension, on l'emmène sur un centre de prière. On le fait jeûner pendant 3 jours, pendant 7 jours. Il ne boit pas, il ne mange pas. Et on lui dit, à travers le jeûne, on va le guérir et la personne meurt. Le gouvernement qui se tait, il voit ces choses-là, les gens qui sont aigris. Moi, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On doit régulariser les choses. En nommant, par exemple, un ministre qui doit s'occuper de ça. Vous voyez. Les fidèles, le plus souvent spécialisés également dans la transhumance religieuse, continueront de chanter, danser et prier pour le salut de leur âme, qui se résume le plus souvent, et pour certains, à une simple amélioration considérable de leur vie sociale. Voilà, voilà. Bonne arrivée encore, mes frères. Merci. Bon. Voilà. Merci. Oui, frère Melchi, qu'est-ce que ça t'inspire déjà, ces premiers stops de cette vidéo? Ah, mais c'est grave. C'est grave parce que déjà, lorsque on mettait le point sur le fait où ce sont des serviteurs, des hommes de Dieu, qu'on peut les appeler ainsi, qui en fait montrent ou bien extériorisent une apparence de piété. Oui. Tu te vois par rapport à celui qui est en train de parler. Mmh. Déjà, il dénonce par rapport à ses fidèles, il croit dénoncer les autres. Mmh. Et quand on dénonce une personne, ça veut simplement dire que ces gens-là sont de le faux et lui, il se tient de le vrai. Oui. Et malgré qu'il dénonce et les choses sur lesquelles, si par la lumière de la parole, on veut scanner tout ce dont à laquelle il est en train de faire par rapport à son assemblée et ses propres paroles, déjà, il se fait appeler fondateur de l'Église. Oui. Ce qui est contre la parole. Fondateur de l'Église. Et il incite aussi que l'Église soit soumise à la loi ou bien à la gérance d'un gouvernement, mais puisque c'est un pays, donc gouvernement politique. Oui. Il y a un ministre, je ne sais pas à qui l'on doit faire mention, qui doit surveiller un peu les pratiques qui se font dans ces, entre guillemets, ces églises-là, afin de prendre ceux-là qui font mal et de préserver ceux-là qui font bien. Donc, tout ce qu'il l'autre de faire, pour moi, c'est contre la parole. Oui. Je ne peux pas dire que l'autre, c'est ou bien sa mission, qu'il a, entre guillemets, peut-être lui, il va expliquer en recevant du Seigneur exactement la mission à laquelle le Seigneur lui a accordé. Oui. Donc, par rapport à l'analyse claire, ou bien d'une manière très simple, il est dans vraiment. pas la lumière. C'est pas vraiment exactement ce qu'il faut faire d'après la parole. Du côté, à côté de la parole. Frère Francis, cette intervention du pasteur Jean Côté, du fondateur de l'église MEPA, je crois que c'est au Bénin ou au Togo, si je me trompe. Il parle dans son intervention, il parle à l'exemple du Ghana. Il disait au Ghana, il y a le ministre de culte. Ça veut dire qu'il y a un poste ministériel octroyé par le gouvernement pour pouvoir régulariser ces choses-là. Il dit qu'il pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Est-ce que le gouvernement a droit de gérance dans les choses de Dieu? Exactement. Oui, ah, peut-être oui, vraiment, si vous voulez dire quelque chose encore. Ah, d'accord. OK. Exactement. Il y a deux points majeurs qui me parle sur cette intervention de cette personne-là. Il y a deux points qui se rejoignent. Il parle d'abord en tant que fondateur de la MEPA, donc pour qu'il puisse fonder son église, sûrement il a dû, étant donné qu'il vit dans un pays démocratique qui a ses lois et qui régit tout ce qui a lié à la religion, il a dû demander l'autorisation, n'est-ce pas, à l'État de pouvoir fonctionner en tant qu'Église. Donc ça pose déjà un véritable problème. En faisant cela, il est simplement en train de se mettre sous la domination de l'État. Il dit là qu'il faut un ministre du culte qui va venir lui-même régir, qui va venir ordonner, mettre de l'ordre dans la manière avec laquelle le culte doit se passer. Donc c'est-à-dire au final, le culte, la manière avec laquelle on peut rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu, ne dépend plus du Saint-Esprit, mais va dépendre d'un homme. C'est simple. Ça veut dire que si un matin, cet homme-là décide que, et si c'est un satanique, il décide que vous ne devez plus, dans vos assemblées, prêcher que Jésus-Christ est Dieu, prêcher que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, alors il faudra que ces églises, entre guillemets, là, se soumettent à l'ordonnance qui a été donnée. Donc, à ce moment-là, les églises ne dépendent plus directement et uniquement de Dieu, qui est le véritable fondateur de l'église, mais elles dépendent d'un homme, bon vouloir d'un homme. Frère Francis, j'aimerais qu'on insiste sur un point. Voici un pasteur qui semble dénoncer, comme on a vu les fidèles qui ont parlé des différentes ventes d'huile et autres, là, la mécanisation qui se fait au milieu chrétien. Il dénonce bien comment on est en train de signaler dans les deux premières parties. Mais là, il croit prendre l'exemple du Ghana comme une référence, là, parce que dans sa propos, ça semble être une référence pour lui. Effectivement. Ce qui est terrible, c'est que il donne une caricature, mais lui-même, il est dans la caricature de ce qu'il est en train de dénoncer. Il a peut-être, certes, il a peut-être un aspect, il n'a pas un aspect que les autres dénominations ont, mais il garde le même fond et le même fonctionnement que les autres dénominations qui sont basées sur le même fondement. C'est quoi qu'on dise, ils sont basés sur le même fondement. Donc, c'est-à-dire maintenant, en fait, quand il prend l'exemple du Ghana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur manière de fonctionner ne dépend plus, comme je disais tantôt, de l'Esprit du Seigneur, mais se base plutôt sur la comparaison avec un autre ministère ou bien avec une autre manière de fonctionner, avec une manière humaine de fonctionner. Donc ça n'a plus rien à voir, ça c'est tellement clair, ça n'a plus donc rien à voir avec l'Esprit du Seigneur. Là on voit tout de suite qui est derrière. Oui, mais on s'attendra à ce qu'il se réfère à la Bible, mais se réfère au Ghana. N'est-il pas là un problème? Exactement. On s'attendrait effectivement à ce qu'il aille se fonder sur les Écritures pour expliquer son fait, mais il va plutôt se fonder sur des décrets humains pour expliquer son fait. Donc ça montre par là, simplement, quelle est la source de son fondement, quelle est la source de son Église. Donc ce n'est plus une affaire où c'est le Seigneur qui les a inspirés, qui les a dirigés, qui les a montré la manière de faire. D'autant plus que dans la Bible, on a tellement d'exemples qu'on peut effectivement prendre. Ben, on va plutôt se référer à un pays qui lui-même se réfère à un autre pays. Il dit lui-même là, dans le reportage, le journaliste dit bien quoi? Que ce sont les Américains qui sont venus et qui ont exporté, qui ont importé leur manière de faire le culte au Togo. Donc, ce n'est même pas une affaire qui est lié à la parole de Dieu, Mais c'est comme une multinationale qui décide de délocaliser une partie de ses activités ou bien d'aller s'implanter dans un autre pays. Pour, et dans ce pays-là, elle va faire que la société fonctionne sur la base de ce qui est fait à la maison mère. Oui, donc c'est exactement ça qui s'est passé. Frère Francis, on le voit dans son bureau assis bien et on voit la sincérité sur ton visage comme toi tu l'avais déjà dit à une époque. Donc c'est ton collègue là. Qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant en tant que ton collègue qui soit passé par là comme il est à ses pasteurs, Jean Côté, particulièrement de la MEPA au Togo? C'est mon ancien collègue. J'étais des là, je ne suis plus. Qu'est-ce que je peux le dire? En la Bible, le Seigneur avait une séparation claire entre son Église et le monde. Et il y a une parole dans les Écritures qui me marque toujours. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. La politique, Dieu n'a pas donné autorité à un État de diriger ou même de donner des instructions à l'Église pour être ce qu'elle est. L'Église n'est pas Église parce qu'un État lui aurait délivré un petit bout de papier pour la reconnaître comme étant Église. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. N'est-ce pas là confondre les organisations religieuses à l'Église du Seigneur? Exactement, c'est exactement ça le fait. C'est qu'on est en train de confondre une organisation religieuse à l'Église du Seigneur qui n'a rien à voir. Et si on ne comprend pas que c'est dans un but bien précis que Satan est en train de le faire, parce qu'il cherche simplement à faire quoi? Il cherche à réunir en un les différentes organisations religieuses qui existent. Donc c'est pourquoi toutes, je dis bien, et je pèse bien mes mots en le disant, toute dénomination qui a pris un papier, une autorisation auprès de l'État pour être, pour fonctionner, pour appeler l'Église, est déjà dans le faux, est déjà dans l'erreur, et est déjà antique. Je dis bien tout avec grand T. Tu peux me dire que non, que je prêche la sainteté, je prêche des choses intéressantes, je prêche des choses bien. À partir du moment où, pour être ce que tu es, tu as pris une autorisation auprès d'un État, tu es déjà dans le système antichrist. Tu es déjà un ouvrier de Satan. Même si tu dis quoi, l'esprit de l'antichrist est déjà sur toi. Parce que là, tu es en train de t'opposer à Dieu. Encore frère Francis, oui? Le temps de te passer la parole pour que tu t'adresses directement à notre frère Jean Côté, qui est de ton ancien collègue. J'aimerais essayer de glisser sur un aspect de cette autorisation. Dans le cas du Cameroun, par exemple, ça fuit des années, on a pu donner des autorisations aux différentes organisations religieuses pour pouvoir fonctionner. Et par conséquent, et malgré cela, nous voyons des milliers des organisations. Et on remarque une chose, les organisations religieuses qui ont obtenu les autorisations de l'ancien président Amadou Ahidjo de fonctionner, nous voyons la CBC, Cameroun Baptist Church, je crois très bien, qui a son autorisation depuis le temps d'Ahidjo. Et nous voyons effectivement, par exemple, puisque nous parlons de Camden Dieu, nous voyons Cathédrale de la Foi obtient l'autorisation, ils prennent l'autorisation pour fonctionner des CBC. Donc en clair, ils fonctionnent dans le mensonge. Ça veut dire que vous voyez la plaque, par exemple, des Cathédrales de la Foi, vous voyez d'abord CBC, décret qui date des années 70. Et puis vous voyez elle-même dans Cathédrale de la Foi en bas. Donc ils sont venus se greffer sur une dénomination qui a eu l'autorisation. Et c'est là un tissu de mensonge. C'est l'une des choses pour montrer que c'est un tissu de mensonge dans lequel des dénominations se fonctionnent. Parce que non seulement ils ne sont même pas conformes à l'État qu'ils veulent ou ils veulent s'allier, ils ne fonctionnent pas d'après les règles de l'État, mais jusque-là, ils ne sont ni concrètement conformes à la parole, ni concrètement conformes à quoi à l'État. Nous voyons Mevipac, une des organisations qui a, je ne sais pas ce que ça veut dire Mevipac, qui a distribué les autorisations à beaucoup de dénominations, Palais de la Gloire, Palais de Compassion de ceci, mais et chacun d'eux verse de l'argent à ceux-là à qui il a donné l'autorisation. N'est-ce pas de la sorcellerie à milieu de l'Église comme ça, mon cher? Non, c'est clairement la sorcellerie. Donc, ça veut dire que ça devient simplement une affaire commerciale. Par exemple, l'exemple que je viens de prendre de Mevipac, qui commence donc, qui ayant joui d'une autorisation de la part de l'État, commence à faire bénéficier de cette autorisation-là à d'autres assemblées, qui parfois même les assemblées auxquelles, auxquelles il fait jouir ces choses ne partagent pas les mêmes choses que lui. Exact. Peut-être même dénoncent les choses que lui fait. Exact. Mais bon, fermant les yeux dessus, il va plutôt dire, il va plutôt regarder l'aspect pécunier en se disant que ben, j'aurai de l'argent. Et donc, il commence à vendre ce qui n'est même pas... Bon, disons même déjà que ce n'est même pas du Seigneur. Ben, on ne peut même pas vendre... Imaginons même que ça soit même, d'accord, ben, pas le Seigneur. Mais à partir du moment où tu commences à vendre, c'est comme vendre l'évangile. Tu te mets en porte-à-faux totalement avec, avec le Seigneur. Ben, le fait de vendre là, ça montre une fois de plus. C'est clair. Ça montre clairement quelle est la nature de ces organisations-là. Ce ne sont plus simplement des organisations religieuses, ce sont des organisations commerciales. Ce sont des entreprises qui ne disent pas leur nom. Et en plus de ça, derrière ça, comme tu dis, tu as parlé de la malhonnêteté, il y a une autre malhonnêteté et même un vol qui se passe à l'intérieur. Ceux qui ne payent pas de taxes, ils ne payent pas des impôts, puisqu'ils sont exonérés. Mais ce qu'ils collectent comme fonds est inimaginable. Je me rappelle, j'avais lu un article, on était en 1998, on disait que toutes les églises, le montant que les églises évangéliques dans le monde avaient cotisé, avaient collecté en termes d'offrandes, s'élevait à 2 milliards de dollars US. C'est terrible. 2 milliards de dollars US. Donc, soit près de 1 000 milliards de francs CFA, le budget d'un pays. Donc c'est pour simplement montrer, et ça c'est juste la face cachée, peut-être qu'ils n'en sont même pas là au fond. Oui. C'est des milliards qui sont générés et des milliards qui sont exonérés d'impôts. Au point où aujourd'hui aux États-Unis, le gouvernement américain commence à mettre les yeux sur les activités de ces pasteurs-là. Donc ça montre clairement qu'il ne faut plus qu'on se casse, il faut qu'on se le dise véritablement. Ce sont des entreprises. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des entreprises qu'on a ouvertes. Comme des leaders, des leaders de réussite, des modèles de culture et de succès. Pas des gens qui font des cours sur le succès. Comment avoir des succès. D'autres s'appellent maintenant les pasteurs coach dans les entreprises et spécialistes des CEO, ainsi de suite. Exactement. Et même le nom qui se donne comme étant « Je suis le fondateur », ça montre, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Aucun, Paul n'a jamais dit que « Je suis le fondateur de l'église de Corinthe ». Il ne s'est pas autoproclamé fondateur. Personne ne s'est proclamé fondateur. Le fait même déjà qu'il porte ce nom. Je vois un auteur dit qu'il est le président, directeur général, fondateur des églises, de l'alliance, de quoi. C'est une entreprise. Ce n'est rien, ni plus qu'une entreprise. Oui. C'est un modèle qui est suivi, un modèle économique. Un des pasteurs avait dit effectivement que l'église de Jésus-Christ fonctionne comme l'entreprise aussi, en citant le cas de Gamaliel qui a dit aux juifs qui devaient taper sur les apôtres en disant que si cette œuvre ou cette entreprise ne vient pas de Dieu, ça va s'écrouler, en disant que l'église donc de Dieu est une entreprise. Ça doit fonctionner comme des entreprises, clairement. Ben, c'est clairement, une fois de plus, on voit comment les gens, ça c'est une compréhension viciée des Écritures. C'est simplement la malhonnêteté. Parce qu'il a vu, c'est-à-dire chacun va toujours trouver un moyen de pouvoir justifier son erreur. C'est-à-dire que même le marabout peut prendre la Bible et faire dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Comme aujourd'hui, on dit que le premier homme d'affaires, c'était Jésus-Christ lui-même qui était le premier homme d'affaires. Et on dit qu'il a beaucoup parlé de l'argent que... Il a beaucoup parlé de l'argent, prenant celui qui était le premier modèle. Ça, ce sont des interprétations fausses et particulières qui n'ont rien à voir avec l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est un pur ramassis de n'importe quoi. C'est un pur mensonge blasphème. Qui trompe les gens. C'est un blasphème, c'est une abomination. Et il faut le dire tel quel. Et donc, pour revenir à ta question, pour dire à ce monsieur-là, du Togo, si jamais il tomberait sur une vidéo, je lui dirais de faire simplement, comme j'avais lu l'histoire de ce monsieur, de ce pasteur-là, qui, après 20, 25 ans passés dans son ministère, ayant bâti une grande dénomination, qui avait une renommée internationale, a été visité par le Seigneur. Et lorsque le Seigneur l'a visité, le Seigneur lui a dit, tu es en train de faire des boucs. Il n'a pas compris. Comment je suis en train de faire des boucs? Il dit que tu es en train de faire des boucs. Et le Seigneur a dit que ce que tu vous faites là, ce que tu fais depuis là, je ne t'ai pas connu. Je ne suis pas dedans parce que tu es en train de former des boucs et tu n'es pas en train de former mes brebis. Le monsieur était choqué. Il était scandalisé. Ça faisait plus de 25 ans qu'il était à la tête de cette œuvre-là. Et pendant 25 ans, il a cru qu'il était sur la voie de la vérité. Et lorsque le Seigneur a visité son cœur, lui montrant que tu es dans le faux, ça a été un combat intérieur. Mais au final, reconnaissant que c'était la voix du Seigneur qui lui avait parlé et qu'il était effectivement dans l'erreur, la chose qu'il a fait, la première chose qu'il a fait, il s'est levé devant l'Assemblée, a demandé pardon à tous les membres, leur expliquant que depuis des années que je vous enseigne l'erreur. Vous êtes des boucs et vous n'êtes pas dans la vérité. Je vous demande pardon. Ça, c'est vraiment osé, ça. C'est vraiment osé faire comme ça, là. Non, c'est vraiment osé. Il a demandé pardon. Et après avoir demandé pardon, il a dit que dès aujourd'hui, on ferme tout ça. On arrête les bâtiments, tout ça, on ferme. Dès qu'on est sorti d'ici, chacun rentre chez soi, chez soi. Et à partir du moment où on commence maintenant à chercher le Seigneur, et lui-même va nous montrer comment est-ce qu'on va faire. Je ne suis plus votre leader, je ne suis plus votre pasteur, je m'en vais me chercher. Et donc, je dirais effectivement à ce monsieur-là, en prenant simplement l'exemple, en disant qu'il est, il veut être sous la domination d'un ministre du culte, à partir du moment où il a créé sa dénomination en prenant l'autorisation de l'État, il s'est mis sous la coupole du prince de ce monde. Et donc, son Dieu, même s'il n'en est pas conscient, son Dieu véritable, c'est Satan. Même s'il peut dire Jésus, même s'il peut prêcher des choses qui semblent être vraies, il n'en demeure pas moins qu'il est sous la coupole de Satan. Et que la chose qu'il a fait, comme ce pasteur-là, c'est de simplement reconnaître qu'il est dans l'erreur et qu'il est temps pour lui de fermer sa belle bâtisse. S'il veut la vendre, il la vend. S'il veut faire ce qu'il peut faire, il la fait avec. Il laisse cela et il repart à la maison, demandant pardon aux personnes avec qui il était, à qui il enseignait, et allant rechercher véritablement quelle est sa place dans ce monde. S'il est appelé véritablement du Seigneur, il laisse le Seigneur lui-même, au temps opportun, prendre sa décision et le faire évoluer dans le ministère qui est le sien. Si déjà il est appelé par lui. Si déjà, effectivement, bien entendu, si déjà, comme je disais, s'il est appelé effectivement par le Seigneur, au temps opportun, le Seigneur fera grâce. Et c'est d'ailleurs ce concept. Quand le Seigneur a commencé à l'époque à toucher mon cœur, à me montrer les erreurs dans lesquelles nous étions, c'était ce cri de cœur que j'avais lancé au pasteur avec qui j'étais, en lui faisant comprendre que voilà, nous sommes dans l'erreur, nous avons besoin de nous refonder, de nous reformer. Et il m'a posé la question, que devons-nous faire? Je lui ai dit, voilà ce que nous devons faire. Nous devons aller enseigner et expliquer aux gens que nous sommes trompés, nous repentir et repartir dans nos maisons, repartir dans les maisons. Et voilà, et laisser le Seigneur lui-même commencer à nous montrer la voie à suivre. Je lui avais d'ailleurs envoyé l'exemple de ce pasteur-là et c'était quelque chose de difficile. Il m'avait dit oui de la bouche, et c'est bien intéressant ce que tu dis. Mais au final, les faits ont fait qu'il n'a pas bougé parce que c'était trop difficile pour lui. N'est-ce pas la facilité financière qu'octroient les boucs et puis cette facilité financière qu'ils ont maintenant à pouvoir glaner beaucoup d'euros, beaucoup de milliers d'euros sans avoir à travailler, qui font de telle sorte que beaucoup d'entre eux étant plongés dans la gloire des hommes dont, et dans les vices de ce monde-ci ne parviennent plus à voir ou bien n'accepte pas l'orgueil d'être brisé par le Seigneur et accepter la pauvreté? Il y a actuellement cet aspect financier. Il faut pas le reconnaître. Ce qui est un... Imaginez-vous que vous ne travaillez pas et que chaque dimanche, vous avez une assemblée qui contient 1000 membres et que chaque dimanche, 1000 membres donnent 10 euros. Ça fait quoi? Ça fait 10 000 euros. Donc, en 4 dimanches, vous avez 40 000 euros. Si sur les 40 000 euros, il faut prendre soin des bâtiments et tout ça, disons que même à 10 000 euros, vous prenez soin des bâtiments. Et prendre, vous dites que vous prenez un peu soin de l'assemblée. qui est à 100 000 euros. Il y a quand même 25 000 euros qui rentrent directement dans vos poches chaque mois, sans forcer, sans travailler. Qui va accepter de perdre cela? Qui va accepter de perdre cet avantage? Donc, assurément, l'argent a aveuglé un grand nombre au point où les gens ne sont plus prêts à accepter de revenir en arrière, de fermer tout ça et de repartir. Deuxièmement, il y a la gloire humaine, l'orgueil, qui fait que, mais bon, comme je disais ici à l'époque, vous savez, quand j'ai discuté ici avec les responsables, on me faisait toujours, on me répondait toujours ainsi. Et tu veux dire que depuis 20 ans que nous sommes là, ce n'est pas Dieu qui est derrière nous, que comment aurons-nous pu exister dans une nation comme celle-ci si Dieu n'était pas derrière nous? Et j'aurais dû leur répondre à ce que pour. Qu'allez-vous dire de l'Église catholique qui est là depuis 1000 ans? Qu'allez-vous dire de l'Église protestante qui est là depuis plus de 500 ans? Est-ce que eux aussi peuvent vous répondre, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est derrière nous pour que nous continuions à résister jusqu'à ce jour? Donc, il y a l'orgueil, il y a cette envie, dit que non, le fait de ne pas accepter qu'on a pu se tromper. En fait, c'est ça aussi, c'est un vrai problème, c'est que je n'accepte pas que j'ai pu me tromper. Et je n'accepte pas qu'un plus petit que moi vienne me dire que je me suis trompé. Je suis là depuis 20 ans. Toi, tu es là, ça fait 2 ans dans la foi. Tu as me dit que je me suis trompé. Donc, il y a cet orgueil, ce grand orgueil qui joue et qui fait en sorte que les gens ne sont pas prêts à accepter de se repentir. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là, puisque la majorité d'entre eux, comme le frère Prince le signifiait dans ses propos dans la deuxième partie, il parlait des gens qui ont signé Alliance. Et je crois que sur la chaîne Bamaïba, il y a cet enseignement-là. Connais-tu ton pasteur? Ou à l'intérieur, nous lisons le témoignage de cet pasteur nigérien qui avait signé un pacte avec un général Ovasia qui l'a conduit en bordure de mer et il servait de sirène et opérait de grands miracles au milieu. Et il dit, les gens n'ont pas l'aspect, ne comprennent pas. Et l'une des choses qu'il a fait, effectivement, mourir par accident, parce qu'il avait peur d'aller chez les pasteurs, parce que, semble-t-il, il connaissait l'ampleur de la majorité des pasteurs qui étaient à l'intérieur. Au point où il avait peur d'aller chez les pasteurs pour recevoir la délivrance, parce qu'il savait que la majorité des pasteurs, sinon la quasi-totalité se trouvait ayant fait alliance avec le serpent. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour inviter les gens à faire vraiment, vraiment attention. Et l'autre chose, c'est que ces pasteurs-là avaient plus de 11 000 membres. 11 000 membres qui venaient louer chaque fois, restaient dans les nuits de prière, passaient des temps dans la prière, dans les prières, dans les jeûnes. Et ils ne priaient pas au nom du Mami Wata, pas au nom de la sirène, mais ils priaient au nom de Jésus. N'est-ce pas, mon frère? Tout à fait, tout à fait. C'est... Là, on arrive à un niveau encore plus élevé de la séduction. C'est que, n'oublions pas, les églises réveillées ne doivent pas oublier une chose, c'est qu'elles sont filles de l'Église catholique, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Leur manière de fonctionner, même s'il y a certains aspects qui ont pu être enlevés, mais leur manière de fonctionner, leur existence même, est sur le même fondement que l'Église catholique. Or, l'Église catholique, dès la base, est purement et uniquement satanique. Et donc, et quand on entre, je pourrais dire, il arrive un temps où, effectivement, le Seigneur va de plus en plus éclairer, va de plus en plus mettre à nu le véritable visage de ces hommes de Dieu, entre guillemets. Ce sont des hommes qui, comme le frère Prince disait tantôt, ce sont des hommes qui, consciemment, là je ne parle plus de ceux qui agissent de manière ignorante ou de manière inconsciente, je parle de ceux qui ont atteint un certain niveau. La Bible est claire sur un certain... Vous ne pouvez pas avoir une certaine gloire dans ce monde sans avoir fait alliance avec Satan. C'est impossible. Il y a un moment donné, à un niveau donné, il faudra que vous alliez faire alliance avec le prince de ce monde pour pouvoir drainer les foules. Si vous ne faites pas cette alliance-là, vous ne marcherez pas avec dans le succès, comme nous aimons bien le dire. Donc, malheureusement, on utilise bien le nom de Jésus-Christ, mais derrière, ce sont des esprits démoniaques, malins, qui sont à l'œuvre. Et c'est bien triste. Voilà, voilà, voilà qu'il en est, voilà qu'il est clair. Avant de passer à la prochaine vidéo, recevez le bonjour des frères Henri, frère Achille et frère Chris Victoire. Shalom à frère Chris Victoire, à frère Henri et à frère Achille. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom là-bas à tous. Shalom. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Alors, prochaine vidéo, on y va. Observe. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe de papa en train de pousser un peu. Il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être jeune. Et puis c'est dit votre moment. Hein. Mariage là. 80% là. Je baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Faut ma panne. Mais tu ne sais pas faire. Tu fous un danger. C'est pas jeûne, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeûne, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. On parle pas de ça, les pasteurs ont des pasteurs. Non, mais si on vous et nous là. Là, ils ont fait des vidéos dangereuses. Là, on voit maman que 14 ans, je suis avec elle. Si elle ne connaissait pas son travail, il y a longtemps, elle balançait, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle essayait d'avoir des prières. Hé, mes filles, entraînez-vous, un peu de sport le soir. Oh, ne les laissez pas tuer, les violer, les massacrer, les prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait. Enfin. Là, quand tu dors comme ça, tu vois les bons sons. Sorcier, pas t'attaquer. Vous êtes bénis. Voilà. Commentaire. Ah, je dis, c'est on vient de lire le passage de 2 Pierre 2:17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nids que chasse un tourbillon. L'obscurité leur est réservée. Oui. C'est clairement, c'est quand même terrible lorsqu'on peut écouter un soi-disant homme de Dieu parler comme ça. Oui. C'est grave. Oui. C'est tellement grave qu'il n'y a même pas de mots pour exprimer le dégoût. Laissons les sœurs parler parce que ça s'adressait aux sœurs. Parce que semble-t-il, les femmes aiment trop beaucoup entendre certaines choses des pasteurs. Mes sœurs, où sont mes sœurs? Où est la sœur Linda? La sœur Linda, apparemment, n'est plus dans le coup. Ah, son crédit, sa connaissance était. Je suis là, vous ne me voyez pas. Ah, non, la sœur Linda, elle est là. Okay. Elle est là. La sœur Linda, vas-y, tu as suivi ton pasteur, t'as conseillé. Tu as suivi ce qu'il a conseillé, n'est-ce pas? Oui. Sans pour autant répéter ces mots, parce que c'est tellement grossier que c'est honteux de répéter et de dire ce qu'il a dit. Je ne savais pas que c'était un pasteur. Je ne savais pas que c'était un pasteur. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter. Maintenant, on va voir ta réaction. Allons-y. Comment il s'appelle déjà? La sœur Linda, il s'appelle comment? Je ne vois pas. Ok, le voilà. Tu le vois? Junior. Non, je ne vois pas le nom. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe de papa en train de pousser un peu. Il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être jeune. Et puis c'est dit votre moment. Hein. Mariage là. 80% là. Je baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Faut ma panne. Mais tu sais pas faire, tu fous un danger, c'est pas jeûne, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeûne, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. Voilà, donc on va s'arrêter à ce niveau. Ma soeur, tu as entendu, n'est-ce pas? Tu le connais? Oui, j'ai bien entendu. Non, il dit, le Saint-Esprit lui a demandé de parler de cette façon-là, par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que c'est à toi qui s'appelle, il a dit ma soeur, donc on t'interpelle là. Je dis que c'est terrible, non? C'est terrible. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans cela. Bon, moi, j'ai eu la grâce de ne pas tomber dans cela, mais je sais que j'ai rencontré un pasteur qui me disait déjà, si je n'étais pas fiancée, c'est que je devais être avec toi parce que personne ne me résiste, tu vois. Et puis, il me disait, non, tu vas voyager, tu vas... Donc, je me posais bien des questions à cela. Et quand je me rapproche peut-être d'un frère pour en parler, on dit, non, ne parle pas mal de l'homme de Dieu, par exemple. Moi aussi, je me suis tue. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis échappée, quoi. Je n'ai plus voulu contacter le pasteur. Donc... C'est terrible. Mais, oui. A priori, il y a beaucoup de sœurs qui ont eu beaucoup de mauvaises expériences avec des soi-disant pasteurs, parce que bon, ce ne sont pas des pasteurs. La sœur Erna, elle est où? sûr, frère Julien. Le pasteur, le général vous donne les conseils. Qu'est-ce que tu en dis? Le micro n'est pas bien réglé. Non, en fait, la vidéo de Makoso où il est en train de parler de son expérience avec sa femme, et il encourage les jeunes à savoir prendre soin de leur mari. Ce serait bien qu'on recommence. Ma soeur, maintenant, suis tu le vois, n'est-ce pas? Oui, je vois. Les filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe du papa peut le pousser un peu. Voilà, il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être plus jeune. Oh, puis c'est dit votre moment. Hein. Mariage là. 80% là. C'est baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Faut m'apprendre. Mais tu ne sais pas faire, tu fous un danger, c'est pas jeûne, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeûne, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça que le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. On parle pas de ça, les pasteurs ont des paroles. Non, mais fions de vous et nous là. Il y a tout fait des vidéos dangereuses. Alors, elle voit maman que 14 ans, elle sait qu'on ne connaît pas son travail. Il y a longtemps, elle balançait, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle disait, elle avait des prières. Mes filles, entraînez-vous, un peu de sport, le soir au coin, vous ne les laissez pas, tuez-les, violez-les, massacrez-les, prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait. Enfin, là, quand tu dors comme ça, tu vois le bon son, le sorcier ne peut pas t'attaquer. Voilà. Donc, si tu venais faire ça, le sorcier ne peut pas t'attaquer. La sœur Anna, tu as bien écouté, tu l'as bien vu. Commentaire. Non, mais ça, c'est vraiment diabolique. C'est purement diabolique. C'est-à-dire que ça n'a rien de. C'est en général que tu t'adresses comme ça. Ça, c'est purement diabolique. Les sœurs véritables du Seigneur. Est-ce qu'on parle contre les oins de Dieu? Non, mais ça, c'est un peu loin de Dieu, frère Julien. Faisons quand même la part des choses. Mais il y a des miracles là-bas. Tempête des miracles. 22 sœurs ont été tuées. 422 à Paris. Ça c'est la blague. Ça. Je comprends que c'est tellement diabolique que tu n'oses même pas répéter. Frère Melchi. Non, même pas. Vraiment, ce n'est pas. Les seuls véritables du Seigneur, quand tu les écoutes, ça, non. C'est-à-dire que si tu as vraiment l'esprit de Dieu, encore bien, si vraiment tu as l'amour de ta vie, tu vas repousser ça. Avant que le frère Melchi ne réagisse, tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous avons lu un passage dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre, j'aimerais encore qu'on lise cela. Il faut qu'on voie l'aspect, parce que chaque fois qu'on lit, il faut qu'on les applique dans les Écritures. Dans 2 Pierre chapitre 2, cette fois-ci, je vais lire. La Bible déclare, au verset 1, nous avons lu aujourd'hui verset 1 à 5, puis le verset 14, souvenez-vous de cela. La Bible déclare, au verset 14 cette fois-ci, vous y êtes? Oui. La Bible déclare, verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Vous voyez ce qu'il en est? Verset 17 dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. Puis on dit, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. On dit, avec, verset 18, avec des discours enflés de vanité. Donc des discours plongés dans la vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Donc vous fuyez le monde, désirant vivre comme Dieu veut, vous tomber sur un type comme ça, il vous amène encore dans ce que vous vouliez fuir, dit la Bible. Ils attisent encore le désir de la convoitise, l'envie de la convoitise dans votre chair, pour vous faire développer encore la convoitise. N'est-ce pas terrible ce que la Bible déclare? Donc si les chrétiens, si on lit la Bible aujourd'hui, on ne parvient pas à voir en aspect, parce que la Bible déclare qu'il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, il y aura parmi vous nous des faux docteurs. Si on ne parvient pas à les identifier avec les yeux, parce que Jésus a dit c'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. Si on ne les identifie pas, c'est que c'est très grave, c'est très grave. Oui, frère Francis? Non, je vous dis, c'est clairement, c'est clair, je vous dis, ça ne fait même pas l'homme d'un doute. En plus, il dit un certain nombre de choses dedans qui sont vraies. Quand on dit, par exemple, 80% des mariages sont basés sur le sexe, il n'a pas tort. Donc, ça montre déjà qu'il y a un vrai problème et que la plupart d'aujourd'hui, il en a donné les statistiques de ceux qui se retrouvent aujourd'hui mariés dans les différentes assemblées. C'est que les gens ne se marient plus sur des bases solides et véritables que les Écritures nous enseignent, mais ils se marient pour des raisons charnelles, corporelles. Et après, on n'est pas surpris qu'on ne devrait pas être surpris qu'il y ait autant de divorces dans les couples. Justement, lui-même étant général, témoigne que sa femme est efficace au lit et que si ça n'avait pas été le cas, lui, comme un ancien bandit, il y a longtemps, il devait déjà l'abandonner pour prendre une autre femme. Exactement. En fait, ce qui est merveilleux dans ces choses-là, c'est que le Seigneur donne toujours des traces pour que ceux qui ont l'oreille pour comprendre, comprennent. Oui. Il venait là pour effectivement dire qu'il parlait au nom du Saint-Esprit, oui. Mais l'Esprit qui l'anime là a fait glisser les choses. Il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas faire autrement que de manifester sa véritable nature. Il voulait un peu la cacher en mettant le nom de l'Esprit devant, en disant que c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé de parler, mais c'est sorti tout seul, sans qu'il n'ait à forcer. Donc, ça rupture. Comme on l'a vu toujours dans ce verset, si tu es fort, tu resteras fort. Même si tu essaies de faire comme un homme, tu demeureras toujours fort. Donc, c'est vraiment grave. Il conseille aux filles de Dieu de violer leur mari. Oui, la sœur Linda, tu voulais parler? Oui, je voulais dire que ça m'a beaucoup touché parce que Éphésiens 5 a dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, voilà. Mais plutôt des paroles. Je pense qu'en tant que même enfant de Dieu, on ne doit pas parler, prononcer de telles paroles. Sans parler maintenant de quelqu'un qui est général. Oui, sans parler même, on ne doit même pas prononcer. Tu vois, lorsque le frère Francis a voulu dire, il a utilisé même un autre mot pour désigner ce dont il parlait. Donc, frère Merci, tu voulais parler? Comment tu es dépassé? Terriblement dépassé, frère. En tout cas, je ne sais pas comment, par où bien je vais commencer à chercher les mots pour essayer un peu de décrire, bien de m'exprimer par rapport à ce que j'entends. Vous comprenez donc ma question de la première partie, de la deuxième partie. J'ai posé la question, comment se fait-il que malgré de telles choses, les choses sont aussi claires comme ça, les gens continuent à les suivre? Que franchement, Dieu ouvre les yeux des gens pour qu'ils comprennent que l'Église va mal et que nous avons besoin franchement de retourner en nous-mêmes afin de retourner à Dieu. Véritablement. Alors, passons dans la deuxième partie. Soyez en prêt. Et même par rapport à ça, je pense, mon frère Junior, il prend trois titres. Oui. Il se surnomme révérend, général. Oui. Allô? Je crois qu'on a quelques soucis là. Vous nous entendez? Allô? Vous nous entendez? Je crois qu'on a quelques petits soucis là. On va revenir dans quelques instants, le temps de cette ponctuation musicale. On arrive là. On revient. Tu connais chacune de mes voix. tu connais chacune de mes croix. Dieu de l'infini, toi qui m'as aimé, avec toi je vivrai l'éternité. Tu es tout pour moi, Jésus, je suis tout à toi, pour ta gloire et ton honneur, sans perdre de rien, et ne peut changer de destin. Tu es Dieu et je suis. Que la grâce et la paix vous soient données. Pour devenir encore puissant, combien que je reste dans ma dénomination, où on me cadre bien, que de sortir et de me retrouver. Non, parce que beaucoup, nous sommes sortis des dénominations, c'est vrai. Beaucoup sont sortis, mais on reproduit pire que ce qui se passe à l'intérieur des dénominations. Donc moi, je trouve que c'est aussi un aspect qu'on doit toucher. On fusille beaucoup de dénominations, c'est vrai. Ce qui font n'est pas bien. Mais beaucoup qui sortent aussi font beaucoup de bêtises. Et ce qui fait que ça salit l'image quelque part. Et les pasteurs même se frottent les mains en disant que viens, tous ceux qui disent que d'actuellement ils peuvent. Voilà vos mouvements de sortie de domination. Voilà ceux qui sont en train de devenir dehors. Pire que quand ils étaient à l'intérieur. Donc il y a beaucoup qui se disent que quand ils voient ça, ils cherchent des modèles. Je veux bien sortir, mais quand je vois ce que les gens deviennent à l'extérieur de domination, c'est mieux que je reste. Parce que pour moi, c'est sur le cadre. Qu'en pensez-vous? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, elle avait une préoccupation, ça s'est coupé, elle avait une préoccupation. Oui. Une préoccupation. En fait, j'attends de l'écouter par rapport au modèle. Je crois que c'est l'une des choses sur lesquelles on va épiloguer au fur et à mesure. Parce qu'il faut au moins déjà qu'on présente aux gens les choses, les aspects qui vont mal à l'église. Par la suite, on va présenter les modèles dans les émissions suivantes et les présenter maintenant ce qu'il faudrait faire. Parce que l'une des choses. Comme je l'ai prise dans sa parole là, l'une des choses et l'une des erreurs que nous faisons, c'est que les gens sortent et n'attendent pas le nettoyage. C'est très important et on va insister sur cela. Quand le nettoyage n'est pas là, on va rétablir ça. C'est pour ça que c'est ça qui crée beaucoup de désordre là. Et on voit effectivement beaucoup de personnes effectivement qui sortent de là par frustration. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire comprendre aux gens que si quelqu'un sort de quelque part pour crier sa part des choses parce qu'il n'est pas d'accord, il est dans des problèmes. La personne chez qui il est sorti est dans des problèmes. Il faut que ça soit bien appréhendé. Donc, vous voyez effectivement que dans les dénominations, quelqu'un n'est pas d'accord, il sort, il crée sa part de dénomination. Dès qu'il sort directement, il crée sa part de dénomination. D'autres, ils vont avec des personnes dans une dénomination. Lorsqu'ils sortent, ils sortent avec ces personnes-là, ils commencent son propre petit ministère. Donc, toute personne qui soit sortie d'une dénomination quelconque, écrit, recrée une autre dénomination quelconque, est dans des problèmes avec le Seigneur et la personne chez qui il est sorti est dans des problèmes. Même chose donc avec cette question de réforme. Il y a des gens qui ne sont pas mandatés par le Seigneur pour le faire, écoutent des choses, glandent ça et là et commencent à répliquer. Puisqu'ils n'ont pas le mandat du Seigneur, le Seigneur ne soutiendra pas. Et ça crée encore le même désordre en ce même milieu-là. On va y revenir dans un autre aspect. Donc, à la fin, on va développer toutes ces choses-là pour voir tous ces aspects. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alors, est-ce qu'on peut continuer donc avec la suite des vidéos? Oui, allons-y, frère. Vous n'êtes pas attendu, n'est-ce pas? Alors, on y va. Étudiant, 18 ans, 20 ans, galérien, broke, c'est bien. Mais là, tu vas aller chercher le travail chez McDonald's. Si on ne te veut pas chez McDonald's, essaie marketing téléphonique. Appelle toute la journée, même si tu as mal à l'oreille, téléphone, prends-toi un salaire, viens donner le salaire, ça sera une excellente semence. Tu provoqueras ton monde. Qu'importe la manière. Virement, qu'importe. On n'écoute pas, je pense. Il y a une enveloppe. Ok. Je crois que. Frère François, vous écoutez? On n'écoute pas. Il n'y a pas de son. On attendait seulement. Attends, vous entendiez, n'est-ce pas? Il y a le son? Non. Non. Bon, soyez sûr après. Fermez donc les sons de vos les micros pour qu'il y ait assez de son. Bon, on y va maintenant. Vous me dites s'il y a le son, d'accord? L'enveloppe rouge, internet, il n'y a pas d'enveloppe rouge, il y a des clics. Vous entendez? Je le prends plaisir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire quand il crie, écoutez, on recommence. Tu vois, étudiant, 18 ans, 20 ans, galérien, broke, c'est bien. Mais là, tu vas aller chercher travail chez McDonald's. Si on ne te veut pas chez McDonald's, essaie marketing téléphonique. Appelle toute la journée, même si tu as mal à l'oreille, téléphone, prends-toi un salaire, viens donner le salaire, ça sera une excellente semence, tu provoqueras ton monde. Qu'importe la manière. Virement, chèque, qu'importe, envoie. Il y a une enveloppe rouge, internet, il n'y a pas d'enveloppe rouge, il y a des clics, clics. Personne ne prend plaisir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en train de cafouiller quand il prie, tu as compassion de lui et lui-même, il a pitié de lui-même. Tu as pitié de toi-même, les gens ont pitié de toi. Des fois, on a envie de juste passer à côté de toi, on te dit, bon, c'est bon, arrête seulement la prière. Va te reposer. Je vais lancer un défi à chacun d'entre nous. Si je peux avoir juste 1500 personnes qui donnent 100 euros, tu peux donner pour 10 personnes, c'est bon, tu peux donner 1000. Alors moi, j'ai besoin de 1500 personnes et sur Internet et dans les rues de campus également, c'est pareil. Ils vont, non, mais pas 1500 à 2000. Et les jeunes dont on parle, même ceux qui ont 16 ans, vont donner 100 euros. Si tu dois aller travailler une journée chez McDo ou une semaine, va travailler chez McDo, chez Quick ou chez KFC. Ou chez Pizza Hut ou dans une pizzeria. Ramène 100 euros au nom de Jésus, ramène-les. Tout le monde doit se débrouiller pour apporter ça. Quoi? Là-haut, vous me levez la main? Hey. Non, non, non, ça ne me va pas. Je vais voir tout le monde lever la main sur la mezzanine. L'ange de l'éternel a tapé ta main. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas honoré un vœu. Amen. Acclamons le Seigneur. Et là, je vais commencer à chanter de 700 à 800 millions. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit à Dieu, j'attends la provision. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais construire un immeuble chef-d'œuvre. Valeur locative mensuelle, au moins 20 millions de francs CFA. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Chez vous, l'immobilier ne coûte pas cher. Je ne peux pas construire ici, ça n'a pas d'intérêt. C'est cher. Chez nous, la pointe noire, ça coûte très cher. Les pétroliers. Tu commences à construire, ils disent, on prend tout, on finit tout, on vous paye tout. 2 ans d'avance. Ok. Dis-moi amen. Si tu n'as pas 1 million, engage-toi pour 1 million. Si 1 million pour toi, c'est rien, engage-toi pour 10 millions. C'est quelque chose qui te coûte. Si tu ne les as pas, la création, je te le dis, va t'apporter les 10 millions. Mais quand elle va apporter les 10 millions, viens donner. Et maintenant, après avoir donné les 10 millions, attends-toi à Dieu. Dis-moi amen. Mon ami, j'aurais aimé te donner d'autres clés pour écrire une histoire. Il n'y en a pas d'autres. C'est cette loi-là. Plus nombreuses. Ah, il y en a qui ont déjà donné. Bon, si tu as déjà donné, continue encore. Les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Ah. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Quand j'ai vu la sœur, il dit, Seigneur, si c'est ça le mariage, je crois qu'il est mieux de ne pas se marier. Mais j'étais jeune dans la foi, j'étais vulnérable. Mais Dieu merci, j'avais quand même un peu de bon sens pour dire, ah, comment la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand je vois cette femme et que je pense à l'épouser, je sens un chagrin. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal, il faut que je sois content quand on dit, je vais me marier, là je ne suis pas content. J'ai compris que ce n'était pas Dieu. C'était elle, ce n'était pas Dieu. Parce que c'est moi qui devais choisir. Et quand j'ai choisi, mon gars là. La Bible dit, lorsqu'il a fini le chef-d'œuvre de la création, la Bible dit qu'il sait. Et la Bible dit que l'Éternel se dit en lui-même, cela est très bon. Il parlait de moi. Tous nos campus, qu'importe la manière, virement, chèque, qu'importe, envoie. Ouais, on a d'accord compris, monsieur, on a d'accord compris. Frère Francis, you have the floor. Oui, oui, frère Meshi, parle. Frère Meshi, tu l'as pris à chaud là maintenant. Non, c'est une question, je n'ai pas compris la dernière partie laquelle il a mentionné qu'il parlait de moi. Bah, Bon, il a référé que lorsque la Bible parle de quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit que il a vu que c'était un chef-d'œuvre. Quand Dieu parlait que c'est lui le chef-d'œuvre, il parlait de lui, Ivan Castano. Donc, ça comment? C'est lui que tu as pas vu Ivan Castano dans Genèse? Laisse-nous ça. Frère Francis, bah, allons-y. Commentaire. Ça me fait sourire parce que voilà une autre personne qui faisait partie de mes modèles en tant qu'homme de Dieu. Oui. Je le connais parce qu'il était ici même au Maroc à l'époque. Donc il était dans votre dénomination là. Oui, il était venu pour faire une conférence. Mm. On était tellement subjugué par le personnage. Elle racontait plein de choses qui, par la suite, effectivement, après réflexion, c'était simplement du mensonge. Mm. Qu'est-ce que je vais te dire? Je suis dépassé de leur capacité. En fait, ce sont des gens, ce sont des personnes qui arrivent à exercer une certaine domination spirituelle sur les gens. J'avais l'habitude de dire, lorsque je prêchais souvent, et c'est là où on comprend vraiment l'esprit qui est derrière, frère. Lorsque je prêche souvent sur la chair, et ce n'est pas fait au hasard, que le fait soit que la chair soit surélevée par rapport aux gens qui sont assis. Donc, tu parles de l'estrade qui est élevé par rapport à l'estrade, ceux qui sont assis. Je parle de l'estrade. Je disais toujours, quand je prêchais là-bas, je dis, où je suis là debout, j'ai la capacité de vous faire n'importe quoi. Je disais ça, je ne savais pas ce que je disais. Mais après, quand j'ai compris qu'il y a vraiment un esprit qui se cache derrière et qui t'utilise même sans que tu n'en sois véritablement conscient. Tu déclarais ça devant la foule là, en pleine séance de prédication. En pleine séance de prédication, je disais que où je suis là, comme debout, vous me voyez là, j'ai la capacité de vous faire ce que je veux vous faire faire. J'ai la capacité de... Et je disais ça comme ça. Quand je disais ça comme ça, c'était à l'époque où j'étais en train de partir, de quitter là, pour leur faire comprendre que derrière où on est, derrière la chair là, il y a une puissance qui se cache derrière et qui remonte depuis. Parce que si les gens avaient un peu la jugeote de faire des recherches, ils allaient se rendre compte que cette manière de prêcher remonte au temps des Grecs, des Grecs qui, il y avait des personnes, on les appelait des gens qui faisaient le théâtre là, qui faisaient le théâtre et qui avaient la puissance pour subjuguer les gens par les scènes qu'ils faisaient. C'est là-bas que les prédicateurs de notre époque ont pris cette manière de faire, cet art oratoire, cet art de se placer. Ou mieux, disons plus simplement que les mêmes esprits, puisque les esprits ne quittent pas la scène, les mêmes esprits ont répliqué cela dans le cadre moderne chrétien. Exactement, ces esprits-là se sont transportés dans le cadre chrétien et ils font en sorte que quand tu es là en haut, tu peux faire dire n'importe quoi et faire. Regarde comment est-ce qu'il va sceller la vie des gens en leur faisant lever des mains, en leur disant que l'ange de l'Éternel a tapé ta main, le vœu que tu as fait, tu es déjà scellé par ce vœu-là. Mettant des gens dans des contraintes, c'est-à-dire que celui qui est faible d'esprit va se mettre là et effectivement va commencer à penser que mais j'ai fait un vœu et ça vient d'une bouche autorisée, ça vient de Dieu. Donc si je ne remplis pas mon vœu, je suis maudit. Donc voilà comment il met les gens intentionnellement dans la peur. Et les gens vont effectivement se battre pour pouvoir aller chercher l'argent au McDo. Alors que la personne même en question n'arrive pas à manger. On ne dit pas à la personne, va chercher le travail pour que tu puisses payer tes factures, payer ta maison pour manger. Oui, frère. Oui, frère Merchi, et vous qui nous écoutez, voici quelqu'un, donc, comme tu le dis, et qui sont présentés comme les grands prédicateurs de notre ère. Des images pour les gens, des icônes de la foi, comme on dit. Il incite les gens d'aller travailler, d'appeler toute la journée, même s'ils ont mal à l'oreille, d'aller travailler chez McDo, chez KFC ou de toutes les autres choses, de trouver cet argent-là et ne pas se jouir de ce que Dieu lui a donné de jouir, mais de venir donner. Et puis il dit, il veut lancer un défi, il a des projets sur son cœur. Il dit qu'il a demandé à Dieu. Et là maintenant, il est sur le point de présenter les clés comment avoir des finances. Il a demandé à Dieu. Il a la force de penser positif puisqu'il y enseigne. Il a les forces de dissuasion, il a des, comment avoir, il prêche le royaume maintenant. Comment être un roi sur la terre. Là, maintenant, il a besoin des finances. Ses principes à lui, il ne les applique pas. Il compte sur 1500 personnes qui vont donner tel nombre d'euros. Il est inculque que sinon pas l'emploi, la création va les apporter les 10 millions. Et quand ils vont, la création va les apporter, ça, il faut qu'il les apporte. Puis il dit qu'il n'y a pas une autre clé à les donner que celle-là. Pourquoi ne l'applique-t-il pas dans sa propre vie afin de venir aussi donner aux autres? Qu'est-ce qui se cache derrière, frère Melchi? Donc vraiment c'est vraiment compliqué, la situation est vraiment très très compliquée. Et par rapport à la question posée, si je peux dire quelque chose, ce qui en effet par rapport à Yvonne Castano, ce qui se cache derrière ça, moi je trouve qu'il est cupide. Il a vraiment il a vraiment l'argent, il est vraiment un amoureux de l'argent. Et non seulement ça, donc, s'il aime vraiment l'argent, ça veut simplement dire qu'il est disqualifié d'une personne qui connaît le Seigneur ou bien qui sert le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que soit il sert le Seigneur ou soit il sert maman. Donc, l'entité spirituelle qui est derrière Yvonne Castano qui le conduit, ce n'est uniquement maman. Parce qu'il utilise les gens pour son profit à lui. Et puisque il est docteur en théologie, il a toute la parole qui séduit, toute la philosophie. Et il sait comment rendre captifs les gens par rapport à ces demandes-là. Donc, c'est par rapport à ses attentes. Oui. Parce qu'il sait, par rapport à ce qu'il va dire, ou bien par rapport à la position à laquelle il occupe dans son entreprise, oui. Quand il arrive, c'est sa parole, en fait, qui est la bouche autorisée. Donc, sous forme de vision, sous forme de parole à laquelle il va essayer de dissuader les gens, qu'il a reçu une révélation de Dieu. Dieu lui a dit de faire ceci. Et parfois, il donne même le montant, ce que même je viens d'entendre, il donne même le montant à lequel les gens doivent apporter. Et les gens, parfois, dans des situations comme le frère Francis a dit, se trouvent où ils n'ont même pas du quoi à manger, ils n'ont même pas même de l'emploi, ils ont des difficultés même à s'en sortir par rapport à leur situation, ne trouvent même pas les solutions par rapport à leurs problèmes financiers, par rapport à ce que l'homme de Dieu, entre guillemets, entre le parler, et il va les inciter pour aller même. Si c'est un étudiant qui a 18 ans, une personne qui a tel âge, même aller travailler pour souffrir par sa sueur de son front, et le fond à laquelle la personne va avoir, lui apporter cela et à la fin espérer de ce que Dieu peut donner en récompense. Donc ça, c'est de l'arnaque, en effet. C'est de l'escroquerie spirituelle. Oui, le frère Maché te relance encore. Ça veut dire que, d'après ce qu'il dit, il dit que ces personnes-là vont trouver du travail. Lorsqu'on va les payer le salaire, ils viennent lui donner. Et puis, eux, ils s'attendent à Dieu. Pourquoi lui ne s'attend pas à Dieu? C'est ça le grand problématique. C'est ça la. Je ne sais pas comment je vais dire par rapport à Yvonne Castano, pourquoi lui ne l'attend pas. Soit, je ne sais pas s'il est paresseux ou bien il ne peut rien faire. Il veut jouer au gouverneur ou bien au président. Il soit là et que les gens lui emmènent ce qu'il demande, je ne sais pas vraiment. Puisqu'il prêche l'évangile maintenant, il prêche le leadership. Donc, par rapport à ça, il veut prendre la position d'être un leader qui commande et il attend seulement ce que les gens vont appliquer ses ordres. C'est Linda, on a entendu les femmes dire là-bas Amen à haute voix. Est-ce que si tu étais dans cette salle, tu dirais Amen ou bien tu te lèveras pour dire tais-toi, monsieur? Je ne peux pas dire tais-toi, monsieur, mais sûrement j'aurais pris mon sac et je serais sorti. De toute façon, si quelqu'un s'élève là-bas pour parler, il y a les services de protocole, les sécurités qui sont déposées. Oui. La première vidéo que vous avez passée, j'ai assisté déjà à un culte où il était là. Je ne sais pas comment, j'ai oublié comment il s'appelle. Le monsieur qui était au Canada, là, qui parlait du visa. Ah, la première vidéo que nous avons passée là, tu as assisté à sa veillée. J'ai assisté à un culte au Cameroun quand je suis rentrée au Cameroun en 2014. Et c'était à Fountain of Hope Ministry avec le prophète Ayouk. Donc lui, il était invité. Et ce jour-là, on a vendu des livres « Comment délier les 14 esprits », je crois, à 10 000 francs. À 10 000 francs, il était venu, la première personne devait donner 50 000. Et j'étais assise là. Et dans la salle, les gens étaient en train de dire, oh, ça c'est trop cher, pourquoi ça pour un livre? Mais subitement, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui a changé the minds of the people, qui a changé l'opinion des gens. Ils se sont levés, ils ont commencé à donner. On avait dit les 20 premières personnes, 50. C'est la première fois que je l'ai vu. Et ce jour-là, il avait prêché sur Tamar, un truc de jeunesse, que quand son beau-père est venu la voir en route, Tamar, il avait prêché. Et si c'était, je crois, le New Year, c'était double release, à Phantom of Home Ministry. Au niveau de Uncle Sammy, c'est la première fois que je voyais cet homme vraiment en face, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais nous signifier par rapport à cette nuit de 2014 que tu as traversée, ou bien tu as traversé jusqu'à arriver en Chypre? Qu'est-ce que tu voulais dire? Quelle nuit? Tu as dit que tu as assisté à la séance de culte donnée par cet homme-là, Camp de Dieu, le docteur de l'homme où tu es. Ah, c'était pour le 31. Mais, non, c'était pas le 31. Tu n'as pas acheté ton livre pour délier tes 14 esprits? Ah, tu l'as pas moi acheté, oh. Parce que... Je ne sais pas, mais je sais quand même que quand tu arrives là-bas, tu ne te sens pas bien. Je pense qu'il y a quand même une domination. Parce que beaucoup de gens se plaignaient, tu vois, parce qu'on avait déjà dansé pendant peut-être 2h30. Tu danses. Ah, moi, je me demandais, mais c'est toujours la danse comme ça, là, parce que c'était quand même long. On vous met dans un état de préparation pour que vous, avant que vous receviez le message. Oui, après le prophète qui était là, le prophète Ayub, l'a dit qu'il voit les messages, personne ne va mourir dans... Et tu vois, c'était en février. Donc, il venait de sortir de 120 jours, je crois que c'est 120 jours de jeûne qu'ils prennent. Dans le temps, ils étaient toujours dans le jeûne quand la nouvelle année vient. Et c'était double release, New Year double release, double blessing. Donc, c'est l'année de double blessing. Puis, il a dit, personne ne va mourir dans ta famille. Tous ceux qui sont ici vont passer l'examen. Je me souviens qu'il y a une qui n'a même pas passé son examen. Mais beaucoup de choses, vraiment, beaucoup de choses. J'y ai assisté deux fois, mais c'est... Je ne sais pas, pour la première, la deuxième fois, qu'il a donc invité. Il y a aussi un autre homme qu'on avait, on l'appelait Apostle Talima Kouré, qu'on avait invité. Il était venu avec la Bible, il a dit qu'il a pris ça à Jérusalem. Vraiment, c'est... C'était la première fois que je voyais tout ça. C'était l'habit de qui à Jérusalem? Ah, il avait dit qu'il a pris ça à Jérusalem, à Israël. Je ne sais pas l'habit, mais c'était vraiment un soutane comme ça avec la croix. Il dit que si on touche le vêtement, c'était vraiment... Et puis aussi, il y a un gars qui est venu en t-shirt et un pantalon. Le prophète lui a dit que, ok, viens donner ton argent. Il a donné 10 000 pour lire. Il a dit... ne t'habille plus jamais comme ça pour venir à l'église, tu as compris, il faut être sapé. Son habit de Jérusalem faisait quoi là-bas au culte? On payait, on touchait pour avoir l'onction, c'était quoi au juste? L'autre là c'était à Kotor quand même au niveau de Full Gospel. On n'avait pas parlé de des gens avaient fait des témoignages. Et je ne sais pas, c'était parce qu'un gars, je ne sais pas trop le nom, mais il a donc parlé que cet habit, si c'est l'habit de Jérusalem, qu'il est parti prendre loin à Israël. Donc je crois que si tu touchais le vêtement, tu allais avoir les bénédictions, un truc comme ça. Bon, ma soeur, allons-y doucement. À Jérusalem, là maintenant, se trouvent les Juifs. Eux, ils croient au Seigneur Jésus. Mon patron est même juif, il ne croit pas. Hein. Il ne croit pas au Seigneur Jésus. Ok, ton pasteur est juif, ton pasteur qui est là-bas? Mon patron. Mon patron, voilà. Donc, et les pasteurs, donc, quittent ici au Cameroun et en Afrique, partout, là, ils partent à Jérusalem. Rencontrer qui au juste? Je ne sais pas, moi, je croyais que les Juifs, là, on m'avait dit que le peuple d'Israël, eux tous sont sauvés. Que Israël, tous là, ils sont sauvés, croient en Dieu. Mais mon patron ne croit même pas en Dieu. Je ne sais pas. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a mené dans cette Night of Blessing, double portion of the New Year, ainsi de suite? Qu'est-ce qui t'a tiré là-bas, Fountain of Hope et autres, là-bas, des Ayuk et autres? Qu'est-ce qui t'a tiré? Bon, regarde, celui avec qui j'étais dans une relation, il avait subitement commencé à aller à Full Gospel. C'était d'abord Full Gospel qui avait le prophète Ayuk. Avant qu'il y ait eu des problèmes, d'après ce que je disais, entre le pasteur et certaines soeurs qui disaient qu'il avait eu du harcèlement, je ne sais pas trop, mais c'était ce qui se disait. Mais il a dit qu'il a reçu une vision maintenant pour créer son propre ministère qui est Fountain of Hope Ministry, qui est à Uncle Sammy Dedo. Moi, j'étais déjà ici en Chypre, mais celui-là, il partait déjà là-bas. Donc, du coup, il m'avait même donné le contact sur Facebook et puis j'avais eu à parler. Donc, quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai juste, comment il dit, ok, allons-y. Ceci implique cela. Oui, mais la première fois, c'était quand, avant que je ne voyage à Coton, on venait, ça m'avait tellement fait peur parce qu'on venait avec les photos des gens à la dénomination. Puisque nous ne sommes pas tous Camerounais, Koto, c'est un quartier dans la ville de Douala, ici, où est située une dénomination appelée Full Gospel, la mission du plein évangile, dans lequel exerçait ce monsieur-là qu'on appelle Ayo, Raymond Ayo. Oui, vas-y, continue, ma soeur. Donc, on était, ça c'était avant que mon premier voyage, même quand je venais, je sais pas, après la rencontre du pasteur qui m'avait dit que je devais voyager, que si j'étais, que si je n'avais pas de fiancé, je devais être sa fiancée, un truc comme ça. Oui. Je suis donc tombée, lui en recherchant, celui qui était mon petit ami, en recherchant Dieu, je sais pas, on l'a invité un jour à Full Gospel. Donc, il avait pitié de moi, il m'a prise que non. Allons-y. Donc, quand je suis arrivée, j'étais vraiment choquée parce qu'il tente de l'église catholique d'où je viens, on prie assez calme, donc beaucoup de gens priaient, vraiment bougeaient. Et il y avait des gens qui riaient, d'autres qui faisaient comme des animaux. J'ai demandé à mon petit ami, alors je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit que c'est la présence du Saint-Esprit. Ton petit ami, lui, priait aussi fort, fort. Oui, mais vous étiez quand même dans le petit amétisme. Ah, ça faisait quoi sur ça, dis donc. On était tellement... Moi aussi, on recherchait aussi Dieu, mais on était dans le petit amétisme. Ça ne changeait rien. Quand on va changer, mais ça ne changeait rien. Donc, il priait, le temps, il m'avait laissé derrière, il était fâché parce que je suis venu en retard. Et comme les bénédictions, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand je suis arrivée, j'ai vu que les gens venaient avec les photos des gens, photos de sœurs, cousines, famille. J'ai dit, ça c'est quoi, ça qu'on prend les photos? Il dit que c'est la sorcellerie. Il me dit, non, c'est pas la sorcellerie, comment? Que c'est pour, si tu as une cousine en Europe, tu veux qu'on prie pour elle, tu viens avec la photo. Si tu as un enfant, tu veux qu'on prie pour elle, tu viens avec la photo. Donc, arrivé là-bas, il est allé sa maman, il a décalé, je sais pas d'où il est parti. Moi, je me suis assise, j'étais assise là. J'avais un peu peur parce qu'il y avait des gens qui riaient. Les gens qui criaient, avec des bruits bizarres. C'était pas seulement, et il y avait, le balafon était vraiment haut. Donc, étant assise, donc, une femme a bougé ma chaise, elle a bougé ma chaise. Lève-toi pour danser, tu ne danses pas, pourquoi? Et on va danser pour Jésus ici, C'est seulement, elle a soulevé ma chaise comme ça, et je me suis seulement mise debout comme ça, et je suis restée. Et le jour-là, il a dit qu'il voit les papiers blancs. Le prophète Ayoub, il a dit qu'il voit les papiers blancs, les papiers blancs, des messages des anges, si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux pour voir ce qu'il voit et tout. Alors, dis-moi, j'étais en train de rire, le temps là, mais je me cachais pour rire parce que j'avais peur. Mais je voyais que les gens disaient que oui, amen. Après aussi, mon petit ami m'a quand même un peu fait croire que non, c'était vrai et tout. Les femmes sont venues faire des témoignages. Une femme disait que, je me souviens particulièrement, ce jour, elle dit qu'elle allait aux toilettes, il y a un truc, un liquide, une muscose qui est sorti de sa partie privée, que le pasteur avait prié pour elle, il lui a dit et tout. Apparemment, elle avait eu un poisson. Donc, il y avait beaucoup de gens et puis les gens ont commencé à donner de l'argent. Il a maintenant appelé un pasteur comme ça, là. J'ai oublié vraiment, je crois que c'était Apostolique Macouré ou bien. Et le temps là, on priait au nom du Dieu de prophète, apostle Raymond, apostle Ayouk. Parce qu'il était passé de prophète à apostle. Il était passé de prophète à apôtre. De prophète à apôtre. Il a dit que c'est comme ça le mandat. Mais on l'appelle maintenant prophète. Prophète Ayouk, Raymond, apostle Ayouk. Wonderful. Ça veut dire qu'une partie de son nom est prophète, une partie est apôtre. Non, il a dit qu'il a les deux. Il a les deux. Oui, parce que mon petit ami, il est vraiment celui-là, il est vraiment, vraiment actif à l'intérieur. Donc, il a même toutes les vidéos. Donc, quand je suis rentrée au Cameroun, j'étais sidérée de savoir qu'il m'a montré une vidéo. C'était l'anniversaire du prophète. Et même sa belle-mère était à genoux devant lui. Il avait un drapeau comme ça. Tout le monde était à genoux devant lui. Et il m'a dit que la nouvelle année, il a sorti un drapeau où ça venait encore d'eau. Il a béni tout le peuple avec le drapeau là. Tout le peuple. Tout, je dis tout ceux qui assistent. Donc vraiment, j'ai tellement. Si ce n'était pas Dieu, c'est que je devais quitter mon école ici pour aller même être assistante de la radio. Pourquoi pas prophétesse en herbe? Mais dis-moi, quand vous finissez de sortir comme ça, après avoir prié pour les bénédictions, vous, tu rentres, tu continues le péché avec ta petite, ton petit ami. Non, le temps là, quand je suis. Ça c'était à Koto. À Koto, ça c'était avant que je ne vienne. Quand je suis rentrée au Cameroun en 2014, j'étais déjà en Christ. Et donc, il n'y avait pas de truc comme ça. C'est lui qui m'amenait donc pour dire que c'est bien d'être en Christ et tout ça. Voilà ce qu'il apprend, mais il n'y avait pas de truc comme ça. Mais avant, c'est-à-dire la première fois à Koto, ah, ça ne changeait rien. On partait seulement parti parce qu'on cherchait. Il me disait que non, ici là il y a Dieu, vraiment le prophète là a prié, il a dit il y a Dieu ici là. Et aussi comme j'avais mes problèmes de santé, le désir c'était que ok, moi aussi je vais être délivré de mes problèmes de santé. Bon, je n'ai pas eu d'autres expériences là-bas, mais quand je suis entrée au Cameroun, j'ai vu ce pasteur qu'on a de la première vidéo, il était invité ce jour-là. Et vraiment, on avait donné beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup. Il y avait même des voisines du salon de coiffure que je connaissais qui ont donné beaucoup d'argent. Les 10 000, 50 000, les premières 20 personnes, vous donnez 50 000, Dieu va vous bénir. Il y en a d'autres personnes qui peuvent donner 10 000 pour le livre. Toi, tu as donné combien alors? Je n'ai pas donné. Parce que en février 2014, j'avais déjà rencontré les frères du Maroc. Donc, quand je venais, c'était tu pour... Tu étais intelligent. Tu étais déjà intelligent. Tu as dit que tes 5 francs vont plus chercher quelqu'un. En fait, je n'ai pas. Oui, parce que dans la dénomination où j'étais ici en Chypre, on était tous des étudiants, le pasteur étudiant, tout le monde étudiant. Il n'y avait pas trop les choses comme ça. On essayait de prêcher le message de repentance à notre niveau. Donc, notre dénomination était un peu beaucoup jugée comme ils sont un peu très durs, malgré le fait qu'on n'avait pas vraiment la véritable doctrine. Et on avait déjà... Et puis maintenant, j'ai rencontré les frères du Maroc, les frères Francis et tout, avant de rentrer au Cameroun. Après aussi, j'ai eu mon passage avec Chora et les trucs que je voyais aussi en ligne, Chora, Georges Nama. Donc, je voyais aussi certains trucs, je me disais que bon, c'est pas vraiment ça. Mais je n'étais pas convaincue. Quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai dit, ok, allons-y. Je lui ai demandé, mais pourquoi tout ceci se passe comme ça? Il y a aussi un style, un jour, il porte seulement le blanc. Il porte seulement le blanc. C'était un peu bizarre. Tout le monde à la dimension porte le blanc. C'est pas tous les jours. Il était parmi les groupes. Il m'a dit que non, c'est parmi les groupes de leaders, je sais pas quoi. Parce que lui, il a vraiment les vidéos sur son ordinateur. Il a vraiment les photos, tout ça. Si, lui, il a vraiment tout ça sur son ordinateur. Donc, j'étais pas là, mais quand je suis arrivée, il m'a dit, voilà, c'était l'anniversaire du prophète. Je lui ai dit, comment les êtres humains peuvent se mettre à genoux devant un prophète jusqu'au point où sa belle-mère même, la mère de sa mère se met à genoux devant lui le jour de son anniversaire et ils avaient fait des t-shirts. Après aussi, le 14 février, la fête des païens, on appelle ça quoi, l'office, je ne sais pas. Il m'a dit que non, le prophète a dit que ce n'est pas une fête biblique, mais il peut quand même donner un chocolat à sa femme. Tout le monde donnait un chocolat à l'église. Donc, il a tellement... C'était un peu comme ça que j'ai connu même... ces autres pasteurs dont je vois souvent les affiches, parce qu'ils invitent beaucoup de pasteurs. Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui viennent du Nigeria particulièrement. Parce que quand arrivé là-bas, il a raconté. Et puis aussi, le temps là, le 8 mars, que j'ai voyagé en février, quand le 8 mars arrivait, on a fait la réunion des femmes. Et puis la femme du pasteur s'est tenue devant, la femme du prophète s'est tenue devant. Elle a dit que... le pain, c'est quand et tout. Elle dit qu'elle a trouvé une femme au marché. La femme lui a dit que tu n'es pas chrétienne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets les mèches? Elle a dit que non, on doit sanctifier. On doit sanctifier cela. Ça, c'est la femme de Ayou. Ça, c'est la femme de Ayou qui dit ça. Oui, oui. Et moi, je connais aussi une personne qui a fréquenté cette dénomination bien même. M'a dit que la femme même du prophète a même giflé. Ça a tapé même. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées que... Il gifle le pasteur, le prophète apôtre, pourquoi? Non, pas gifle le prophète apôtre. Ah, gifle le garçon, gifle la personne, hein. C'était un fidèle. C'était un fidèle. Et puis, c'est comme si ce jour-là, le prophète était parti aux États-Unis pour je ne sais pas, pour le ministère, il était parti aux États-Unis, on devait prier pour lui. Entre temps, ils étaient trois. C'était ils étaient trois dans le groupe de son of the prophète. Il dit ça parce que je son of the prophète. Mm-hmm. Voilà. Donc, apparemment, je sais pas, ils ont commencé à prêcher le message. Ils disent qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mm-hmm. Ils ont seulement commencé à prêcher par rapport à la repentance et tout, tout, tout. Mm-hmm. Donc, la femme du prophète l'a appelé, les a tous appelés dans leur bureau, elle les a mis à genoux. Mm-hmm. Elle les a giflés, elle les a tapés au niveau du dos. Pour dire qu'on avait le pouvoir de parler. Que c'est la dernière fois qu'on parle de repentance ici. Oui! Donc, ils disent qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui s'est passé, vu que ce n'est pas un message qu'ils écoutent, tu vois. Et ça a fait en sorte qu'ils sont même après sortis de la dénomination. Je ne sais pas si Alex, bon, je crois que c'est Alex qui aussi parle, quelque chose comme ça. Mais ça a fait en sorte qu'ils sont sortis. Donc, maman, prophète, apôtre, les a appelés que je vais vous montrer que quand mon mari n'est pas là, ce n'est pas à vous de gérer son œuvre. Il les a donné, pam, pam, pam, ça va vous donner du bon. Vous repentez ou d'avoir prêché la repentance, c'est ça, non? Oui, c'est parce que la personne était proche. Parce que je ne pouvais pas croire que des trucs comme ça pouvaient se passer. Mm. Je ne pouvais pas croire. Mais j'ai vu comment les mamans, mon petit ami lave les habits. Et il me dit qu'il faut, celui-là, avec qui j'étais, il me dit qu'il faut servir. Moïse a servi qui, je ne sais pas comment. Il part là-bas, Moïse. Ça faisait deux mois. Josué a servi Moïse et Élisée a servi Élie. Voilà, un truc comme ça, il lave les habits, l'ordinateur que tu lui as donné, sur l'affiche, il a écrit « Maman et Daddy and Mommy ». Tu vois, il a la photo sur son Facebook, il a seulement les photos du prophète et de sa femme. Mm. Donc, c'était vraiment, tu ne pouvais pas reconnaître la personne. En fait. Frère Jobin, bienvenue encore, je crois que tu as encore chargé des méga. Coupe ton micro, on est dans des bains des prophètes apôtres ici, donc c'est fort. Voilà, monsieur la sœur Linda, permets-moi de rentrer dans le cadre de cet homme que vous voyez affiché sur votre écran là maintenant. Le frère Meshi, il est de chez vous. Et dans une des interventions qu'il a faites, il a dit qu'il veut construire un immeuble. Et il a parlé à Dieu. Et il a dit à la foule là, apparemment dans cette foule là, il se trouvait en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il ne peut pas le construire en Côte d'Ivoire parce que chez eux, l'immobilier n'est pas assez cher. Mais que c'est chez eux en Pointe-Noire parce que c'est un endroit pour pétroler. Il est de chez toi, le frère Melchi. Il dit que c'est un endroit pétrolier. Et là, il dit que c'était Dieu qui a dit. Mais il dit qu'il ne peut pas construire ça. Que là-bas, chez vous, comme il y a de l'argent, les pétroliers prennent ça, ils payent pour 20 ans. Qu'est-ce que ça te fait pas comprendre, frère Melchi? Donc, oui, par rapport à ça, la majorité des gens qui occupent souvent des hautes sphères de la société là, il a mentionné par exemple les pétroliers. Mmh. Parce qu'on souvent on localise l'argent. Mmh. Via Pointe-Noire, c'est ceux-là qui travaillent dans le secteur du pétrole. Donc maintenant, ces gens-là, on a beaucoup entendu par rapport à ces sociétés-là. Souvent, je prends par exemple Total. On dit souvent qu'on ne peut plus, à notre temps, maintenant là, entrer dans la maison mère Total simplement. Et souvent lorsque on passe par les concours pour entrer dans les sociétés pétrolières, on envoie les gens qui réussissent dans les sous-traitances. Donc c'est maintenant compliqué d'y entrer dans la maison mère. Maintenant pour entrer dans la maison mère directement dans Total, il y a un cercle en fait. Il y a comme un cercle où il faut y appartenir. Un cercle ésotérique. Exactement, c'est exactement ça. Et maintenant, ces gens-là, par exemple, comme des Ivan Castano, dans leur organisation ou bien entreprise, les chefs qui occupent ces postes-là avec eux, ceux-là qui ont des postes très élevés, les DG, ceux-là en tout cas, leur revenu du mois est tellement élevé, travaillent ou bien sont. Les fidèles et membres de ces gens-là. J'en connais même un aussi, qui, en dehors de Yvan Kassano, tout juste à Pointe-Noire, lui s'appelle Chinima Francis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. Chinima Francis. Révérend Chinima Francis, en tabernacle, c'est soleil couchant. Lui aussi, en tout cas, c'est un homme. Il a une chaîne de télévision qu'on appelle Canal 7. Et Ils roulent dans des voitures de luxe incroyable. Mais il est le premier à dénoncer les autres. Il dénonce celui des autres. Même le jour où il a expliqué comment il obtient, il a ces voitures-là, c'était une histoire, en tout cas, c'était compliqué à accepter. Il dit que c'est un ami qui lui donne ça pour essayer, qui lui donne ça, ainsi de suite. Donc, par rapport à Ivan Cassanos, ces gens-là sont avec Ivan Cassanos. Il influence les gens qui sont un peu plus bas par rapport à ceux-là qui occupent le Rossifère, qui sont avec Ivan Cassanos, parce que les pétroliers, pour dire que voilà, les pétroliers, eux, oui, ils ont la capacité de donner telle somme d'argent, telle somme d'argent, telle somme. Et exactement, c'est vrai, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais pour investir comme eux, c'est compliqué. Oui. Mais là je te pose la question. Si on n'est pas vraiment avec... La dernière fois que tu étais à Pointe-Noire chez vous, et il parlait de Pointe-Noire, justement, et il est de Congo-Brazza comme toi, il dit que c'est Dieu, c'est un projet que Dieu lui a demandé de faire. Puis il dit qu'il décide que de ne pas vouloir construire ça en Côte d'Ivoire parce que l'immobilier ne paye pas en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a décidé de construire ça à Pointe-Noire parce que là-bas, il y a de l'argent. Ça veut dire que Dieu lorgne un peu les zones sur la terre où il y a l'argent, où il doit investir. C'est ce qu'il en a dit, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui veut construire cela à Pointe-Noire pour avoir de l'argent. La deuxième question que je pose la question à nous tous maintenant, c'est à l'issue, il fait toutes ses contributions. Les élèves doivent travailler, tout le monde doit travailler dans sa domination pour lui donner l'argent pour qu'il investisse là. Et lorsque cet argent est versé pour lui, est-ce que cet argent sert pour le corps de Christ? Ou bien pour sa propre personne? Frère Francis, comment vous faisiez? Pour sa propre personne. Oui, comment vous faisiez? Attends, plus touchant son ancien collègue. Comment vous faisiez lorsque vous faisiez tous ces collègues, les appels de fonds, là, l'argent va où au juste? Et pour le cas d'Ivan Castano, quand il va investir dans cet immobilier-là, est-ce que c'est les autres qui ont sué pour pouvoir mettre des fondations? Est-ce qu'ils vont en profiter? Quand son micro est coupé là. Oui, donc c'est nous. On dit que dans la dénomination, j'étais en étant, comme je dis, un niveau aussi élevé. On voulait atteindre ce niveau, le niveau des gens qui sont on n'était pas à ce niveau. Depuis que les maigres revenus qu'on avait partaient à 90% dans la gestion, dans la gestion du bâtiment qu'on jouait dans le temps à autre pour aider quelques frères par là, ou bien qu'on avait. On devait faire définir le général Obassi à sa serveur, à sa venue, puisqu'il était en France et revenu au Maroc. Maintenant, il est clair que c'est les fonds qui vont générer, ça va être toujours, tout va être fait pour bâtir leur propre gloire. Ce sera toujours pour leur propre gloire. Quand bien même ils pourraient, disons-le, comme ils le disent très souvent, mettre dans l'œuvre du Seigneur, ce sera toujours dans le but final de bâtir leur propre ministère, de bâtir leur propre image. Parce que c'est ça qu'ils recherchent. Quand vous les écoutez, leur propre image, oui. Ce sera vraiment pour bâtir leur propre image et rien d'autre. Même si juste que oui, l'argent que j'ai là, je vais remettre ça dans le ministère. Il n'en demeure pas moins que ils vont toujours le faire pour bâtir leur propre image, leur propre gloire. Parce que c'est après ça qu'ils sont en train de couper. Car quand tu écoutes, au final, quand tu écoutes bien ces gens-là, et que tu vois le fondement, le but, ou bien la motivation qui les fait faire ça, c'est en fait, ils sont en concurrence. Ils sont toujours en train de dire... Le vrai Francis, je crois qu'il y a des gens qui travaillent dans ton environnement là. Ouais. Je vais repartir au salon parce que y a les gens qui travaillent là. Oui, le temps que tu te reconnectes, prenons ce passage-ci dans 2 Pierre encore une fois de plus concernant ce que nous avons écouté d'Ivan Castano. Prenons 2 Pierre encore une fois de plus, chapitre 2. Une fois de plus, 2 Pierre chapitre 2. Le frère Melchi, le verset 2 à 4, à 3, qu'est-ce que ça dit? 2 Pierre chapitre 2, le verset. 1 à 4. 1 à 3. 1 à 3. La Bible déclare, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs introduirant des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. et la voix de la vérité sera calomniée à cause de ta cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et que menace depuis longtemps la condamnation et donc la ruine ne sommeille point. Voilà. Le frère Jobin, qu'est-ce que le verset 3 t'explique avec ce qu'on a. Je crois que je ne sais pas si tu as entendu les propos de ton frère, de ton confrère. Qu'est-ce que le propos, le verset 3 t'inspire, frère Jobin? Alors, je crois que je dois retourner parce que en fait, je viens à peine d'arriver. Oui. C'est parti recharger parce que l'écriture était épuisée. Oui. Le verset 3, c'est ça? Oui, le verset 3. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dans la rue, ne se mêle point. Oui, je crois que si tu n'as pas écouté les propos de ton frère que tu vois sur l'écran là, c'est que tu ne dois pas entendre, tu ne dois pas comprendre l'ampleur de la question. Permets-moi de poser la question à la sœur Linda. Sœur Linda, en lisant le verset 3 et en écoutant ce que celui-ci a dit, tu ne vois pas qu'effectivement ce verset, c'est exactement le conseil et les conseils dans ce domaine-là. Parce qu'on a dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ils prennent le nom du Seigneur, tout détournent pour faire leur propre projet. La cupidité est sur le cœur, ils utilisent le nom du Seigneur, essaient de détourner en prenant les paroles trompeuses, prenant le Seigneur par-ci et par-là pour pouvoir piéger les gens. La sœur Linda, tu as la parole. Oui, exactement. Je crois que c'est ça. La cupidité, c'est quoi? C'est la soif de posséder, n'est-ce pas? Exactement. Mais je crois que parce que je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a aussi la grâce de Dieu qui vient. Mais je sais qu'il y a même des païens même qui ne sont même pas chrétiens, qui sont capables de voir de l'extérieur que non. Ceci, c'est une forme d'escroquerie. Mais nous ne sommes pas capables de voir. Alors, le frère a dit avant que c'est que quand on vient parce qu'on a des problèmes. On veut résoudre nos problèmes, c'est-à-dire mon problème d'enfant, mon problème de mariage, mon problème de maladie. Du coup, il y a aussi cette soif-là parce que si tu entends le message qui est là-bas, le prophète avait dit une fois, il a donné le mandat de former les Kingdom Billionaires, par exemple. Tu vois les gens qui disent que look at this watch. Donc, quand tu viens même avec ton petit problème, on dit, ah, tu vois, ce n'est que ça que tu as comme problème. Tu crois que tu vas forcément avoir la solution là-bas. Et tu ne sais pas aussi que le fait de vouloir forcément une solution à des problèmes, c'est aussi une forme de cupidité, je pense. C'est-à-dire, on n'est pas satisfait de ce qu'on a à ce moment-là. Et on veut ça vite. On veut ça exactement à l'instant et donc on veut que ce soit du tic au tac. Du coup, lorsqu'on vient, on voit des gens qui ont des grosses voitures. Telle personne dit que il y a une fille qui disait qu'elle avait le sida, on a fait le test, mais finalement, le prophète a pris le sida et est parti. Quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, ah, pour l'autre, ça était même pire que moi, ça veut dire que mon problème sera résolu. Mais on voit bien qu'on ne vient pas parce qu'on a l'amour pour le Seigneur, on ne vient pas parce qu'on a l'amour pour la vérité, du coup, on tombe. Voilà, je crois qu'on passe aux prochaines vidéos. On est bien servi aujourd'hui. Nous sommes en train de voir, en train d'essayer de sonder les choses qui vont mal au milieu de l'église afin que les gens écoutent et soient édifiés et changent de façon de faire, changent de façon de voir des choses à la lumière de la parole du Seigneur. Prochaine vidéo. Oui, oui, mon frère. Non, non, juste pour finir ce que je disais par rapport à Ivan Castanet, dans la manière avec laquelle il est en train de travailler dans la vidéo. On va prendre compte l'une des motivations qui fait en sorte qu'il peut faire ce type d'appel de fond. Il y a déjà de un bâtir son image et de deux, il y a une compétition qui ne dit pas son nom entre le monde chrétien anglophone et le monde chrétien français. Il semble que les anglophones ont compris un certain nombre de principes, entre guillemets, bibliques dans le donné que les francophones n'ont pas compris. Et donc, eux, ils sont là pour révolutionner la pensée des francophones pour qu'ils apprennent à davantage donner. Donc, il y a une compétition véritable entre ça. Mais derrière cette compétition aussi se cache donc le désir d'être celui qui aura amené la francophonie chrétienne, ou, entre guillemets, au niveau de, la, de l'anglophonie chrétienne. Oui. Donc, c'est pourquoi ils travaillent autant pour pouvoir capter le plus de fonds possible. Oui. Pour sortir de cela, effectivement, comme tu fais mention, il y a là cette compétition de celui qui a le plus grand tour de prière, celui qui a la plus grande église, le plus grand rassemblement, celui qui a le plus grand jet privé. La compétition se tourne entre eux. Là, je pose la question. Ils s'appellent les rois. Ils ont le principe de Kingdom Now. Pourquoi se basent-ils sur la finance des gens pour pouvoir construire leur propre royaume? C'est là encore une fois de plus, comme l'autre l'a dit tantôt, c'est simplement de banal. Ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes, ils ne croient pas à ce qu'ils sont en train d'annoncer. Ça me ramène à cette parole dans les Écritures qui dit faites ce qu'ils vous disent, ils vont vous dire faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça montre effectivement que la foi, ils ne l'ont pas dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont pas foi en ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont pas foi au Seigneur dont ils disent capable de leur donner les finances nécessaires. Ils ont foi, donc, ils ont foi au porte-monnaie et au compte en banque des fidèles. Ils ont foi au porte-monnaie, au compte en banque des fidèles. Ils ont foi à la, au travail des fidèles, mais ils n'ont pas foi eux-mêmes que le Seigneur peut leur apporter. Donc, ça veut dire qu'ils disent, c'est un double langage, c'est un double truc. Ils disent une chose et font le contraire. Exact. C'est exactement ce qui est en train d'être fait. Donc c'est des gens qui ne sont pas sérieux. En clair, on voit donc effectivement que, comme tu le dis, ces pasteurs de la prospérité ne sont pas sérieux. Et en plus de cela, ils ne vivent pas par la foi. Parce que la Bible dit que le juste doit vivre par la foi. Ils vivent sur le dos des exactement. Fidèles. Exactement. Et le plus grave, c'est que, et le plus grave, c'est que les fidèles se plaisent à donner au point où ils disent Amen. À tue-tête, et la Bible déclare dans Jérémie chapitre 5, mon peuple plein plaisir à cela. Exactement. Mais le comble dans ça, comme on l'a vu depuis le départ, c'est que malheureusement, il y aura quelques, parce qu'il y, a, il y aura quelques témoignages, il y a quelques personnes qui viendront vous dire que, effectivement, quand j'ai donné tout ce que j'avais, et par la suite, le Seigneur m'a visité et j'ai eu au centuple. Donc, comme Satan, son but c'est de garder les gens dans le mensonge, il n'est pas bon que quand même il n'y ait pas de témoignage. Parce que s'il n'y avait pas de témoignage, il serait flagrant que c'est un mensonge. Mais bon, pour continuer à garder les gens dans le mensonge, il faut qu'il y ait toujours un aspect de manifestation de ce qui a été dit. Il y a un témoignage à ce que l'homme de Dieu a dit. Je l'ai effectivement vécu. Question de continuer à encourager les personnes qui, eux, ne voient pas la manifestation. Parce que, malgré ça, il y a toujours des personnes qui, ils ont donné depuis des années, mais ils ne reçoivent pas en retour. Or, comment faire pour continuer à les garder? Mais c'est de leur nourrir d'espoir en leur donnant des témoignages de personnes qui ont fait cela et qui, au final, après peut-être 2, 3, 4 ans, ont retourné au centuple. Donc, comme ça, je continue à nourrir mon espoir. Je continue à me dire que tôt ou tard, ça va finir par marcher. Et si ça ne marche pas dans telle dénomination, à ce moment-là, je vais aller dans une autre dénomination. Et ainsi de suite. La seule ligne, tu parlais tout à l'heure là des Kingdom Millionnaire, dit par ton prophète apôtre là. Qu'est-ce qu'il voulait entendre par Kingdom Millionnaire? Ah, c'est pour former les gens qui sont riches, non? Moi, en fait, je voulais aussi ajouter sur le fait des témoignages là que je pense qu'il y a aussi un esprit qui est derrière. Parce que quand je suis entrée au Cameroun, je sais pas comment, j'ai témoigné. Mais c'était très bizarre. Il m'avait fait une imposition sur la main. Je crois que c'était après. Qui ça? Mais bon, je. Oui, j'ai témoigné comme. J'ai eu une vision comme ça que. Une personne qui s'appelle Raoul était mon père et je partais témoigner que c'est mon père spirituel. Donc je ne sais pas vraiment comment. C'est après que je me disais que, mais est-ce que ma tête donnait vraiment? Mais j'étais allée témoigner. Donc je crois que parfois aussi, j'en discutais avec certaines personnes ici en Chypre. Beaucoup de gens me disaient, mais je crois que les gens là mentent même dans les témoignages parce que s'ils ont reçu le sentiment, peut-être, parfois ce n'est pas de la bonne manière. Il y a des personnes ici qui ont dit qu'ils ont reçu de l'argent dans leur compte en banque, comme ça, ou bien de l'argent dans leur porte-monnaie, et ils sont partis témoigner. Mais on disait que, ah, gloire au Seigneur, mais après, je me dis, comment quelqu'un peut avoir de l'argent comme ça? Tu vois, je ne sais pas. Je pense qu'il y a véritablement un esprit qui... Parce que moi, je me suis retrouvée en train de témoigner là-bas. Vraiment, si tu me demandes, je vais te dire que je ne sais pas pourquoi. Et quand tu as témoigné, on a dit gloire à Dieu, on a applaudi. Et il a encore mis son âme, sa marque sur toi, n'est-ce pas? Il m'a dit, oui, je me suis mise à genoux, il a prié. Et quand je suis rentrée ici en Chypre, maladie. on m'a dit que j'ai déliré parce que je suis arrivée, je disais à tout le monde que j'ai le palio. On disait que ah, tu es parti chercher le palio au Cameroun et tout. Et j'avais peur de sortir parce que si tu as le palio ici, on va te mettre en carence. Tu vas encore passer plus de jours isolé. Donc, après, il y a des personnes qui autour de toi m'ont dit que j'ai commencé à délirer complètement. Mais moi, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je leur ai dit que je rêvais qu'on me traînait pour aller en enfer. Mm-hmm. C'est ce que je leur ai dit. Mm-hmm. Mais je me suis retrouvée à l'hôpital. Bon, heureusement, on a dit que c'était la sinusite. Mais je savais que c'était un problème, tu vois. Mm-hmm. Moi, je me demandais comment je suis allée témoigner que telle personne, c'est mon père spirituel. Et ce jour-là, j'ai eu la vision comme ça. Et je me suis empressée d'aller témoigner. Donc, j'ai compris que... Et là, ça pose problème. C'est là parce que le frère Francis disait tout à l'heure qu'effectivement, ils ont effectivement des visions. Ils ont des visions par rapport au thème de la dénomination, par rapport au thème de l'année. Toi également, avec le recul, dans cette vision-là, venait de qui? Ça venait de l'ennemi. Ça venait de Satan, clairement. Clairement, parce que même aujourd'hui, quand je dis encore père spirituel, je dis, ah, ici, j'avais le père spirituel, j'arrive au Cameroun, je rêve d'un autre, mon père spirituel. Après, ils ont sorti un enseignement que quelqu'un peut avoir sept pères spirituels. Donc, j'ai dit que, moi, j'étais déjà confuse. Parce que quand tu parles avec les gens qui sont là, c'est bon, de l'église catholique aussi, là où j'étais depuis toute mon enfance, à Sainte-Monique, Marquette, on donnait parfois les bouteilles d'eau tanguie au prêtre. Il y avait celui-là, il s'appelle Monseigneur Poniaga. On l'appelle pas monsieur, on l'appelle pas révérend, on l'appelle pas cheval, on l'appelle Monseigneur. Donc il répond seulement sur le nom de Monseigneur. Et même à l'assemblée, il faut pas seulement qu'on donne les bouteilles d'eau, il faut même qu'on donne même les poules, les trucs, parce que les prêtres ont souvent besoin. Donc, même à l'assemblée, il y a des gens qui murmurent et qui disent que vraiment tout. Mais on revient toujours. Donc même à l'église catholique, là, le monseigneur demandait même les poules déjà. Et là, il dit qu'on peut donner tout ce qu'on a. Parce qu'on est habitué à donner de l'argent et beaucoup de bouteilles d'eau tanki. Mm-hmm. Il en a assez de boire l'eau. Il faut donner les poules. Mais il a dit qu'il ne faut pas qu'on se limite, non. Si on n'a pas, on peut donner même si c'est le manioc, même si c'est, tu vois. Oui. Et aussi, il y avait les prières qu'on partait faire tellement, parce que là, j'étais choriste. Je suis passée de choriste, je suis allée au séminaire à PK27, parce que je voulais être sœur catholique, un truc comme ça, à un moment. Le petit ami est venu te racler. Bon, suivons le prophète apôtre là maintenant, on y va. Et après, on revient, d'accord? Que le Seigneur bénisse. Écoutons-le. Amen. Ladies and gentlemen, my name is Prophet Ayuk Raymond Ayuk. God gave me a mandate to raise kingdom billionaires. Ok, donc je vous mets le volume parce qu'il ne faut pas que quelqu'un rate ici. Donc, vous me dites dès que vous entendez le volume. Donc, on va recommencer. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ma soeur, tu le vois, tu le reconnais, n'est-ce pas? Oui, très bien. Alors, écoutons-le. Vous entendez? Ladies and gentlemen, my name is Prophet Ayuk Raymond Ayuk. Vous avez entendu? Oui, on a entendu. Ok, c'est un succès. Alors, on continue donc. God gave me a mandate to raise kingdom billionaires. One time ago, I was coming back from a trip from South Africa and the Lord spoke to me in the plane. He said, my son, through this prophetic ministry, I will raise Abraham. Another time I had an encounter with God. And the Lord said to me, now I have made you a father to billionaires. And this meeting is coming up from the 18th to the 24th. From the 18th to the 24th in Douala, opposite Tonton Sami, at Fountain of Hope Ministry International, where God does great things. The Lord God will be infusing in as many that will be coming, the genes to become kingdom billionaires. You have no reason to miss this event. From the 18th to the 24th, I have two guests coming, Reverend Pierre Yango, the son of Papa Billy Lubanza, and Prophet Isa El Buba, all the way from Nigeria. one of the prophets that God has raised in our time. The man who just dedicated the biggest prayer tower in the world is coming with such grace to impact in the life of people. And myself, I'll be ministering along this great man. It is going to be a time of impartation. You have no reason to miss this event. The theme is the rising of kingdom billionaires. I see you as one of the kingdom billionaires waiting to see you at City of Champions, opposite Tonton Sami. Voila. The Lord bless you. Voilà, voilà. Je crois que vous, la sœur Linda, tu comprends bien l'anglais, tu peux nous traduire cela, ce qu'elle a dit, ce que ton prophète apôtre a dit. Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous entendez? Oui, on est là. La sœur Linda, tu es sans voix là maintenant. Tu as suivi ce que ton pasteur a dit, non? Elle a été coupée, je crois. Alors, le frère, tu comprends bien l'anglais. Je crois que tu peux nous donner l'interprétation de ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il a dit globalement, pour summarize. Il a dit que pendant qu'il était, quand il sortait d'un voyage en Afrique du Sud, le Seigneur lui a parlé, lui a disant qu'il voulait susciter, lever, lui a donné un mandat pour qu'il lève et suscite un royaume de milliardaires. Milliardaires, oui. Oui, milliardaire, pas millionnaire, milliardaire. Et donc, il a donc reçu ce mandat-là, parce que c'est son ministère prophétique qui a reçu ce mandat-là. Et donc, pour répondre à ce mandat-là, il organise un séminaire de 7 jours. Voilà le thème sur l'écran que tu peux même lire déjà. Voilà. The Rising of Kingdom Billionaires. Donc, la levée d'un royaume de milliardaires. Mm-hmm. Breaking financial hardship. Mm-hmm. Donc, briser les difficultés financières. Mm-hmm. Donc, il a reçu donc ce mandat-là et pendant 7 jours, il y aura donc une sorte de croisade, cette conférence. Durant la fin, des paroles prophétiques seront relâchées pour permettre à ceux qui sont appelés à ce royaume-là, oui, de devenir milliardaire. Et celui à qui s'adresse et qui reçoit le message actuellement fait partie de ce royaume de milliardaires. Donc, il invite les gens à venir à cette conférence-là, durant laquelle il y aura deux grands hommes de Dieu reconnu internationalement dans le monde. Et dont l'un de ces hommes vient de dédicacer le plus grand tour de prière du monde. Ah, voilà, oui. Il vient de dédicacer le plus grand tour de prière du monde. Et donc, ces hommes seront là. Et il invite toutes les personnes à venir parce qu'elles seront milliardaires. Voilà. Donc, voilà, en bref, ce que ce monsieur est en train de raconter. Frère Melchi, tu es à la parole. L'église va mal, n'est-ce pas? Oui, franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup mal. C'est vraiment très, très de la réflexion. C'est en amont de larmes au cœur pour voir tout ça, pour pouvoir supporter de voir tout ça et entendre. Et qu'on sache aussi que c'est ce qu'on entend là, ça vient de ce que nous appelons serviteurs de Dieu, des pasteurs de Dieu, que c'est dans des noms et autres là. Donc c'est à peu près dans ce sens-là que quand l'armoi est un peu dans le cœur par rapport à ces actions-là. N'est-ce pas terrible, mon frère? N'est-ce pas terrible? Beaucoup, beaucoup terrible. Beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose qui date de 2013, quand on voit ça. Oui. Ça va bientôt faire 5 ans. Oui. Qu'en est-il finalement? Bonne question. Parce que justement, nous voyons la date là sur l'affiche, c'est du Monday 18th to Sunday 24th, 2013. Donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Et il était question, il a pointé du doigt là-bas, en te pointant le doigt que frère Francis, tu t'assistais là, tu devais être milliardaire. Parce qu'il a dit assure as one of the billionaires. Alors la question c'est, ceux qui ont assisté, y a-t-il eu des milliardaires? Pourquoi d'ailleurs, nous avons cette question là, frère? Oui, la question est là. c'est qu'on se rend bien compte que beaucoup de conférences sont ainsi organisées et les personnes y participent. Et après des temps, le temps passé, il n'y a aucun changement. La situation des gens ne s'améliore pas par rapport à ce qu'ils espéraient. On célèbre en ce mois de juin. Convaincu à 100% qu'aucun d'entre eux, de ceux qui étaient là-bas, en sont sortis milliardaires. Mmh. Et encore, faudrait-il savoir, quand on dit milliardaire, milliardaire en quoi? Parce qu'il y a beaucoup de monnaie. Milliardaire en France, ce n'est pas un milliardaire en euros, ce n'est pas un milliardaire en tout. Oui. Milliardaire en francs congolais, ce n'est pas un milliardaire en tout. Donc, c'est encore pour dire qu'il y a tellement de flou dans cette affaire-là. Et la subtilité est de mise parce qu'il dit, comme Dieu avait suscité Abraham pour bénir les nations, et qu'encore que ça n'a pas de, ça n'a rien à voir avec les bénédictions physiques, des bénédictions de l'argent, il dit que Dieu l'a suscité en cette fin de temps-ci pour bénir les gens, pour que les gens deviennent engendrés des milliardaires. Et on n'est pas cette subtilité-là, à chaque fois, de prendre la parole et tordre pour aller dans le cadre de finances, le frère Merci. Oui, oui, exactement. Déjà, le temps même, quand ça parle de l'argent, on parle déjà des finances. Donc, c'est vraiment regrettable. Je ne trouve même pas des paroles, même comment je vais commencer à exprimer. Donc, on est là, on reste dans la pensée, on pense, on réfléchit, on essaie de voir pourquoi, on se pose même des questions, ou même, on s'imagine même pas avoir des réponses. Et là, donc, maintenant, justement. On laisse vraiment dans une impasse. Voilà, maintenant, comme on se pose vraiment des questions, voici d'autres questions. Oui, oui mon frère. Bonjour. Oui, frère Jobert. Voilà, bien, je constate que les hommes ne sont pas faibles. Oui. Ils ont la puissance occulte qui leur donne ce pouvoir afin de manipuler les gens. Donc, pour cela, si vous étudiez la plupart d'entre eux, ils ont fait la psychologie, la psychanalyse, ainsi de suite, afin de pouvoir utiliser, maîtriser les gens. Alors, à certains moments, ils peuvent également utiliser de l'hypnose, oui, afin de captiver la pensée des auditeurs. Mm. Et ils vont utiliser des paroles qui touchent à l'âme de façon à ce que si tu résistes à donner, pas aller donner, tu vas te sentir mal après. Mm. Donc, ils utilisent vraiment des choses qui touchent à l'âme, quoi. Mm-hmm. Et si tu ne donnes pas vraiment, tu vas perdre tout. Et donc, voici, les gens se libéreront, puis ils iront de nous. Ce ne sont pas des gens simples. Ils ont étudié la psychologie, la psychanalyse, beaucoup de choses. Ils ne sont pas simples. Donc, ce ne sont pas des gens à aller faire face ici. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ce ne sont pas des gens simples à aller faire face contre eux. Et jeune à cela, justement, donc, jeune à leur aptitude psychologique à manipuler les gens, ils jouent à cela l'esprit. D'où la sœur Linda disait effectivement tout à l'heure, comme prier au nom du Dieu de papa tel. Et c'est, on voit cela dans les dimensions, que j'ai invoqué le Dieu de papa tel. Vous voyez effectivement que c'est cette chose-là au milieu. Ça se pose donc effectivement avec cette psychologie et toutes ces manipulations psychologiques et psychiatriques, il manipule les gens en les soumettant à son entité. Que si vous donnez telle chose, mon Dieu, le Dieu que je sais, le fera. Effectivement, mon frère, effectivement. Voilà. Alors, comme le frère Francis a dit tout au début que le système est déjà posé pour eux. Il n'y a pas vraiment une façon dont on peut briser ce système. Tout ce que nous avons à faire, selon la grâce du Seigneur, ceux qui sont à lui vont sortir de là-bas. Le système va persister parce qu'ils sont nés pour cela. Le travail qu'ils font, c'est comme ça qu'ils sont nés pour le faire. Donc, quand au début du Seigneur, ils sont totalement savoir, ils sortiront de ces endroits. Voilà. Il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent maintenant que le Seigneur avait dit dans la prophétie que l'ivraie et le vrai sont dans le même champ. Ils doivent croître ensemble. Mais le but ici, c'est de savoir les plantes qui sont mélangées au niveau de l'ivraie. Il faut qu'on l'enlève pour planter dans la bonne terre où elle doit être. Parce que les deux doivent croître ensemble au point où ça doit se ressembler. Les manifestations et les choses se ressemblent au point où on peut croire effectivement que ici c'est l'église du Seigneur. Écoutons cette question. Vous voyez effectivement cette vidéo. Vous voyez la question posée par une télévision mondaine qui n'a rien à voir avec le chrétien. Mais regardez seulement l'entête. Vous voyez ce qui est écrit là. Vous voyez les églises du réveil ou église du diable. Écoutons, j'espère que vous allez avoir le son. Si vous avez le son, dites-moi. On célèbre en ce mois de juin les 50 ans de l'indépendance du Congo. Et non, on n'a pas le son. Vous avez le son? Non, on n'a pas le son. Permettez-moi donc de vous envoyer le son. Je crois que vous allez l'avoir dedans. Allons-y. On va le voir à travers un certain nombre de reportages, les conditions de vie très difficiles pour une majorité de Congolais. Cela a pour conséquence un regain de la pratique religieuse qui sonne comme une échappatoire. Vous avez le son, n'est-ce pas? Ok. difficile pour une majorité de Congolais. Cela a pour conséquence un regain de la pratique religieuse qui sonne comme une échappatoire. Des pasteurs profitent de la crédulité de certains Congolais. Reportage chez les évangélistes de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Renaud Iwa, Benoît Ormans et Régis Derat. C'est un dimanche de prière à Kinshasa. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une église du réveil. Il y en a des milliers du même type au Congo. Le révérend Thomas est pasteur dans cette paroisse qui surplombe la capitale congolaise. Allez, sois libéré, sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Son église regorge de paroissiens fervents. Tous cherchent apparemment dans la spiritualité une solution à leurs conditions de vie difficiles. Venez donner l'offrande de l'église. Le révérend Thomas est ce que l'on pourrait appeler un indépendant. Donnez avec joie. Son seul patron, c'est Dieu, dit-il. Mais ce sont bien sûr les paroissiens qui assurent ses revenus. Un véritable marchand de miracles, en quelque sorte. Sois béni, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous aide. Entrez en possession de votre vie. Ah, aujourd'hui, c'est formidable. J'ai reçu aussi les bananes. Je chasse les démons. Vous voulez voir? On peut commencer maintenant. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Tous sont délivrés. La scène pourrait prêter à sourire si elle n'avait pas des conséquences dramatiques. Aristote est un enfant accusé de sorcellerie par une église du réveil. L'histoire de son exorcisme fait plutôt froid dans le dos. Les gens de l'église m'ont d'abord enterré jusqu'au cou. Tout mon corps était en terre. Après, ils m'ont sorti du trou et ils m'ont soulevé au-dessus du sol. Trois personnes me tenaient au-dessus du feu. Aristote a été gravement brûlé. Son abdomen, ses parties génitales, ses cuisses sont touchées. Une association essaye de le faire rapatrier en Belgique pour lui prodiguer des soins, jusqu'à présent sans succès. Sur cette terre difficile, les évangélistes de tout poil trouvent donc un terrain fertile. Et ce sont les enfants qui, souvent à Kinshasa, en payent les conséquences. Voilà, voilà. Merci à la télévision belge, radio RTBF, la télévision belge, pour ces reportages. Commentaire, frère Francis, l'église va mal. Ah frère, c'est... quand on voit ça, on est dépassé. On est dépassé. On ne sait plus quoi dire. Comment on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus que faire pour que les gens comprennent que les églises dites de réveil, bien les dénominations, sont véritablement des salles d'attente pour l'enfer. On ne sait plus quoi dire aux gens pour leur montrer que c'est vraiment Satan qui est derrière ça. On a beau expliquer, on a beau défendre, on a beau montrer bibliquement, expliquer aux gens, prendre la peine bibliquement. Les gens s'époustouffent, aller bibliquement leur démontrer que ce qui se passe là-bas n'est pas de Dieu. Mais les gens continuent quand même à forcer. Et ce qui est même de, ce que moi je trouve de plus, c'est le plus dangereux d'entre eux. C'est les frères, souvent j'ai eu à faire face à ça, à certains frères qui vous disent clairement, qui semblent rechercher la vérité et qui te disent que ce que tu dis, Francis, c'est vrai, c'est la vérité. Mais on va faire comment? On va aller où? Comment ça va se passer? Ou d'autres encore disent que non, le Seigneur m'a placé là pour démontrer son caractère, pour montrer l'amour. Parce que si on sort de là, qui va leur montrer la voie? J'ai discuté souvent avec plusieurs fois qui me disaient ça, mais non, ce n'est pas mauvais, monsieur m'a dit là, il faut que je puisse impacter, il faut que je puisse influencer, parce que si je sors, je ne pourrais pas avoir une influence plus facile. Et quand on voit de telles choses, on voit l'état de l'Église, qui malheureusement n'est pas le plus celui qui est bafoué, insulté, méprisé, c'est le beau nom et le précieux nom de notre Seigneur Jésus. D'avoir un pauvre enfant comme celui-là, juste parce que quelqu'un s'est levé un matin et a dit qu'il était sorcier, on l'a fait subir des pires atrocités. Et un tel enfant, quand il va grandir et qu'on va lui parler véritablement de Christ, qu'est-ce qu'il va dire dans sa mentalité, dans son mindset? Il a déjà cette image d'un Dieu qui est méchant, d'un Dieu qui l'a brûlé, d'un Dieu qui l'a enterré. Et si ce n'est pas vraiment une fois de plus la grâce du Seigneur lui-même, cet enfant-là est voué à détester les chrétiens et le nom du Seigneur Jésus. Les chrétiens et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que ce sont des foutaises. Et une telle personne devient un agent encore facile pour Satan. Il dit, quand Satan va venir lui présenter les richesses de ce monde, il va dire, voilà, quelqu'un qui a du souci pour ma vie. Voilà quelqu'un qui a du souci pour ma personne. Donc, je préfère être sataniste que d'être même chrétien, parce que les chrétiens-là manquent d'amour, les chrétiens-là manquent de fraternité. Et la vision présente cette garçon, justement, puisque tu fais mention, Aristote, qui avait été accusé de sorcellerie. Et c'est quelque chose qui a pignon sur lui dans les assemblées. Aujourd'hui, on accuse que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ainsi de suite. On l'a enterré jusqu'au cou, c'est son témoignage, dans la terre, pour pouvoir extraire la sorcellerie. Par la suite, brûlé au feu, comme on a vu, vous avez vu sur l'image, effectivement, dans l'image, comment l'image, il a reçu les brûlures. N'est-ce pas terrible de faire des choses au nom du Seigneur Jésus? C'est démoniaque, frère. C'est démoniaque. Comment le Seigneur, pour extraire quelque chose, va t'amener dans le feu, va te faire brûler au feu? Il faut que les gens se posent des bonnes questions. Et la Bible déclare qu'on ne fait pas passer nos fils et nos filles au feu. C'est des pratiques qui montrent, une fois de plus, l'esprit qui est... On ne le dira à peut-être pas assez, mais il faut continuer à le redire. L'esprit qui est derrière le système religieux actuel dans lequel se trouvent toutes les dénominations confondues, qu'elles soient catholiques, protestantes, pentecôtistes et autres, c'est Satan. Voilà la preuve. Oui. C'est Satan qui est derrière. Donc c'est vraiment dramatique, c'est vraiment triste, c'est alarmant. Il faut vraiment que les gens se posent les bonnes questions, ceux qui sont dans les dénominations, qu'elles se posent les bonnes questions, qu'elles se demandent. Parce qu'une fois, bon, quelqu'un va dire ça, malheureusement, quelqu'un va dire que oui, ça c'est les... S'il y a des mauvais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bonne dénomination. Il n'y a pas de bonne dénomination. Toutes les dénominations, par essence, sont mauvaises. Même si ça a des degrés différents, d'une manière ou d'une autre, on est envoûté. En fait, l'image qui me vient, c'est une image qui me vient comme ça, c'est que vous avez parlé la première fois des cobras et des souris au sein des assemblées. Je crois que cette image forte que le Seigneur a permis que le prince est une image révélateur de ce qui se passe. En fait, je vois, si le Seigneur pouvait nous montrer spirituellement les dénominations, on se rendrait compte que c'est comme si des personnes, c'est comme une gueule de serpent qui est ouverte et dans laquelle tout le monde rentre. Donc, c'est vraiment la gueule de serpent dans laquelle toutes les dénominations se trouvent. Et si on ne comprend pas ça, c'est terrible. Donc, chaque fois que quelqu'un entre dans une dénomination, il est en train d'entrer dans la gueule du serpent. C'est clair et net. Il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. C'est terrible. Le frère Jobin, le premier pasteur présenté dans cette vidéo de RTBFE.be, dans cette télévision belge, présente un pasteur de Kinshasa qui voudrait imiter notre frère Francis, parce que notre frère Francis est brun, sauf que sa peau est naturelle. Pourquoi cette dépigmentation à outrance chez les pasteurs congolais ou juste ton voisin? Mon frère Francis ne te moque pas de moi. Frère Jobin, pourquoi? Pourquoi ton voisin d'en face, de l'autre côté de la rivière, aime se maquiller, voudrait et prône cela? Parce que c'est quelque chose, comme c'est une tradition à Kinshasa et aussi Kivu et dans tous les endroits où il y a ces dénominations à outrance là-bas à Kinshasa. Pourquoi les pasteurs se maquillent-ils? C'est des pigments de la peau. Pourquoi? Il faut savoir que ceux de la RDC ont peut-être un complexe, je ne sais pas, d'infériorité, je ne sais pas, de supériorité. à l'égard de leur couleur de peau. Frère Jobenta, le son à ton micro n'est pas bon comme la première fois. Je ne sais pas pourquoi. Rapproche-toi du micro. Oui. Donc, je vais déconnecter du Bluetooth apparemment. Oui. Allons-y. Bon. Oui, ça va maintenant comme ça? Saint-Sucin, là c'est clair. Oui. Je demande comme l'eau du lac de Kinshasa. Allons-y. D'accord. Donc, eux-mêmes, sans être un pasteur ou bien être soi-disant un serviteur de Dieu, ils ont toujours ce complexe. C'est vraiment grave parce que chez nous, je ne sais pas si actuellement chez nous, il y a des gens qui se dépigmentent également. C'est leur culture, quoi. On les connaît tous comme ça, de cette façon. Ça date pas de maintenant, c'est quelque chose qui date de longtemps. Dans leur pays, ils ont toujours cette culture de se dépigmenter la peau. Et donc, même quand ils sont pasteurs, ils ont toujours ça ancré dans leur sang. Donc, voilà pourquoi la délivrance du Seigneur Jésus-Christ doit toucher à tous les points de leur vie. Réalité, le pasteur qui dit qu'il n'y a pas de sorciers, je dis qu'ils ont tous été délivrés, a besoin lui-même de délivrance. Ils ont besoin de la délivrance, effectivement. Parce que quand vous brunissez la peau, vous mettez des choses sur votre peau afin de brunir, vous montrez clairement que vous avez un problème spirituel. Dieu doit vous délivrer. Parce que vous n'êtes pas content de ce que Dieu vous a donné comme peau. Donc vous avez un problème. Vous devez passer par la délivrance. Merci frère. Merci. Ce sont tes voisins. Et tu es à Brazza. Ils vont te retrouver là-bas. Frère Merci. Ce même pasteur accueille la banane entre main et l'enfant. Lui dit, venez donner l'offrande du pasteur, donnez avec joie. Est-ce que dans les telles conditions... Bienvenue encore la sœur Linda. Bienvenue. Tu as entendu qu'on parle de Kingdom Billionaire de ton ancien pasteur prophète. Tu as fait plus de revenus maintenant. C'est quoi? C'est la connexion qui dérange. La connexion. Je suis là. Oui, il n'y a pas de problème. Frère Melchi, ce pasteur-là nous dit qu'on donne avec joie. Est-ce que dans de telles conditions de matraquage, est-ce qu'on peut donner vraiment avec joie? D'abord, frère Junon, j'ai eu un besoin tout à l'heure, là, quand je viens à peine. Oui. Donc, j'ai pas bien suivi qu'est-ce que c'est réellement dit. En fait, je crois que tu as suivi la vidéo que nous avons présentée de rtbfe.be, cette vidéo qui parlait avec ce pasteur qui délivrait les gens en les poussant pour qu'ils tombent. Vous avez remarqué effectivement la façon qu'il est bousculé au sol. Oui. Voilà, et là il dit venez donner avec joie à l'issue de la délivrance, il dit venez donner avec joie. Il dit avec cet sentiment de matraquage qu'on fait dans les dimensions aujourd'hui, est-ce que les gens, la façon dont on les matraque, parce que la sœur Linda disait que même à l'église catholique, on fustait les gens de donner, et au point où les gens murmuraient, et chaque fois les gens murmurent tout autour, 5 ans, 10 ans, 10 ans, les gens murmurent, mais jusque là les gens partent donner, est-ce que normalement, en frustrant les gens ici, est-ce que les gens peuvent donner avec joie comme ils le disent? Oh non. Pas vraiment, c'est en donnant avec la frustration. Tiens, ouais, si la génial. Personne. Oui, mon frère. Et que vous le dites de deux. Oui, frère Joben. Ah, ok, laissez d'abord le frère Machi poursuivre. J'ai quelque chose à dire. Ok, frère Machi, vas-y alors. Donc, je disais juste par rapport à ça que c'est pas en effet, comme la Bible déclare, donner avec joie ou bien. C'est la libéralité de la grâce. Donc, si déjà par rapport à ça. En prétendant dire que c'est donné avec joie, moi je dis au contraire que c'est donné avec la frustration. C'est par exemple, moi je ne veux pas donner. On va pas me forcer que voilà, si je ne veux pas donner, tu dois donner parce que c'est l'homme de Dieu qui te le demande de donner. C'est pas avec joie ces pratiques-là. Il n'y a pas la joie en cela. Voilà. Une autre question. Il n'y a pas la joie. Avant de parce qu'à la fin, il y a des regrets. Oui, et des mumus surtout, des mumus, des mouchadages. Oui. Une autre question liée à toi, justement, avant de passer la parole au frère Joben. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc au chapitre 7, Luc au chapitre 10, le verset 19, enfin, verset 19 et suivant, ou bien verset 17 jusqu'au verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque les disciples sont allés pour chasser les démons, ils sont rentrés, ils étaient tellement contents, ils ont dit que les démons même sont soumis en son nom à leurs mains. Le Seigneur leur a dit de ne pas se réjouir du fait que les démons leur soient soumis. Mais on a semblé voir ces pasteurs-là se réjouir du fait qu'ils chassent les démons. Et ils demandent là maintenant pour cela l'offrande. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 14 à 22, le Seigneur nous explique là-bas que plusieurs personnes diront en ce jour-là, nous n'avons pas fait des miracles en ton nom, nous n'avons pas chassé les démons en ton nom. Il leur dira, non, je ne vous ai jamais connu. Mais ces pasteurs-ci se fient du fait qu'il fait le miracle, il chasse les démons soi-disant, il se dit qu'il est conforme aux saintes écritures, pourtant il s'est maquillé. Exactement. C'est un vernis au tout autour, c'est un maquillage. Est-ce que le fait que nous accomplissons certains aspects des miracles devrait être suffisant pour voir si nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur? Voilà la question. Non, absolument pas. Parce que faire les miracles ne traduisent pas ou bien ne rend pas la personne authentique. Parce que faire les miracles, ceux qui ont la semence de Satan font autant. Absolument. Et parfois même plus que ceux qui sont dans... la dispensation de la grâce. Donc, les miracles sont en effet accompagnent la foi de la personne en Christ, comme dans Matthieu chapitre 16. Que vous qui avez cru en moi, vous ferez ceci. Donc, malgré ces gens-là, ils font les miracles, mais lorsqu'on repart dans leur vie, on essaie un peu de regarder la vie de ces gens-là. Comment ils sont venus en Christ? Quel est leur parcours? Et on constate qu'il n'y a pas cette foi-là, il n'y a pas l'amour de Dieu, mais au profit des choses à laquelle il a eu à faire pour octroyer ces pratiques d'élévance, des miracles. Et voilà, on se rend compte, non, ce sont des personnes, forcément, qui sont allées dans un tel, pour acheter. Et en retour, c'est lui, avec ce qu'il a acheté comme pouvoir, exploite maintenant les autres au profit de la parole, en indiquant que voilà, c'est le Christ qui est à l'origine. Alors, ce n'est pas ça du tout. Frère Joben, tu voulais parler. Oui, frère Junior. Avant de venir ici au Maroc, j'avais eu à discuter avec le frère là, dont je vous avais montré la vidéo de son baptême, avec maman Pauline. Oui. En ce qui concerne la situation, par exemple, de la situation précaire de l'Afrique. Oui. Je leur ai dit que, écoutez, en Afrique, il y a des serviteurs qui sont véritablement de Dieu, qui jusqu'à maintenant ne sont pas encore manifestés. En fait, la pauvreté, c'est un bon élément. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la pauvreté, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que c'est dans la pauvreté qu'on doit chercher le Seigneur. C'est dans la pauvreté qu'on a le temps de dédier notre cœur au Seigneur. Donc, puisque les gens ne prennent pas du chercher le véritable Dieu, alors les faux pasteurs, les faux prophètes profitent maintenant de leur situation de pauvreté pour leur nourrir de fausses espoirs. Or, cette situation de pauvreté que Dieu maintient à l'Afrique, c'est pour qu'on puisse le chercher. C'est lui qui nous maintient dans cette situation, c'est lui aussi qui doit nous donner solution. Mais la solution, ce n'est pas dans la bouche des pasteurs ou bien des prophètes. Donc, effectivement, si le message que nous sommes en train de partager ici parvient aux oreilles des brebis du Seigneur, ils comprendront qu'il est temps qu'ils laissent ces histoires où ils veulent mettre fin au problème de leur vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est une série, bien une suite de problèmes. La vie, les problèmes ne s'arrêtent pas. Quand vous cherchez à avoir une solution à un problème, sachez que le lendemain, le problème peut ressurgir encore. Donc, au lieu de chercher la solution au problème, cherchez plutôt celui qui peut vous donner la paix lorsque vous êtes dans le problème. Voilà. Parce que étant même dans une difficulté, le Seigneur te donnera la paix de façon à ce que tu n'aies pas peur. Amen. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons plutôt les pasteurs afin de nous donner la solution. Nous oublions que les problèmes peuvent ressurgir encore. Vous voyez? Donc, les pasteurs profitent de notre faiblesse de cette façon. Et justement, la Bible déclare que le terrain serait propice, comme le frère Francis a lu dans la deuxième partie, dans deux Thessaloniciens, que le terrain serait propice pour la manifestation de ces miracles mensongers. Parce que, et vous avez également cité 2 Timothée chapitre 3, où les gens, avec le désir d'avoir les problèmes être résolus, se donneront les foudres de docteurs. Donc, c'est en vertu des désirs que les gens souhaiteraient sortir dans les situations précaires, que ces produits, donc, ces ouvriers, de ces ouvriers d'iniquité sont là pour satisfaire à leur convoitise. Et donc, comme tu as dû le signaler, la pauvreté, effectivement, est un canal par Dieu, utilisé par Dieu pour attirer les gens et rester révélé aux enfants. Comme il a dit dans ce livre de Jacques, que Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Que Dieu te bénisse, mon frère Joben, pour cela. Effectivement. J'ajoute un peu quelque chose. Oui. En discutant avec mes soeurs, oui, en ce qui concerne l'église du Seigneur en réalité, on a discuté, à la fin, les gens ont dit, oui, c'est vraiment vrai ce qu'on vient de voir aujourd'hui là. Vous savez quoi, mes frères? Le 31, quand je me suis rendu encore chez elles, c'est encore elles qui me disent, on va aller à l'église pour la veille de prière. Oui. Là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, si tu ne donnes pas la repentance, tout ce qu'on peut dire de notre bouche, c'est multiplié par zéro. Je comprends maintenant que c'est toi seul qui peux travailler dans le cœur de l'être humain. L'être humain ne peut pas changer, Seigneur, de lui-même. Oui. Parce qu'ayant écouté la vérité, que là-bas où vous vous rendez, on vous manipule, on vous utilise, aujourd'hui, elle prend encore la décision de se rendre là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec le cœur de l'homme? C'est terrible. Donc, jusqu'à maintenant, ça ne fait pas. Donc, ils aiment être manipulés. Quelqu'un souffre et il prend le mien qu'il a pour aller donner encore davantage. N'est-ce pas vraiment la servitude? N'est-ce pas ces cobras-là que le frère Prince avait vu dans son songe et qu'il manipulait? C'est ça. Il avait hypnotisé les souris de l'église, là. C'est ça, mon frère. Donc, la repentance telle que le Seigneur nous les révèle dans le livre de Timothée, en fait, ça vient de lui. Oui. On peut beau parler du matin jusqu'au soir, si le Seigneur ne donne pas la repentance, on ne fait rien, mon frère. Oui. Bon, prochaine vidéo. On y va. Vous me dites si vous entendez la voix. La vision, merci pour suivre la vision, merci pour être mature, pour reconnaître la vision de pasteur Martin et moi. Vous entendez? Okay. Merci non, Seigneur, parce que... Il s'appelle Wilkie, je crois qu'avec le son, sa femme s'appelle Martin, il s'appelle Wilkie. Je crois que les amateurs, les gens du Canada doivent connaître parce que ce son-là, c'est un son québécois ou bien... Voilà. Écoutez sa voix. Les gens, nos partenaires, ces cellules maison, quelle bénédiction, quelle vision surnaturelle qui va amener la croissance financière dans votre vie, qui va amener la croissance à tous les niveaux dans votre destin, dans ta mission, dans ton appel. Et il y a tellement de leadership qui dans l'Église qui était inerte. Maintenant, on va le mettre en action. Merci de partager cette vision-là avec nous. Mais Dieu va installer une faveur surnaturelle. Je suis sur le 55. Pourquoi 55? Parce que c'est dès mon jeune âge, j'avais, je parle de la double faveur ici, 55 double faveur. Tu vois la belle guitare qui est là parce que je suis un musicien. Je brise les barrières générationnelles. C'est ma voix prophétique dans la louange. 55 double faveur. Alléluia, double faveur, merci Seigneur. Quand j'étais jeune, à 5 ans, j'ai prophétisé sur des choses que j'aurais vers les cinquantaines, et voilà, c'est en train de s'accomplir. Alors, le double 5, pour moi, il est extrêmement important. Ici, le 5 et le 5, double faveur, c'est tellement important. D'ici au fait, j'ai prié que ce que Dieu mettait sur ma vie en faveur, qu'il mettrait sur eux, déverserait la double faveur sur leur vie aussi. Chaque fois que Dieu met la double faveur sur ma vie, il le met sur ta vie où tu en as besoin. D'ici au fait, j'ai dit, Seigneur, ça prend des bonnes nouvelles dans notre vie. Ça prend des temps, des saisons de repos, des temps, des saisons où on doit respirer, frères et sœurs. L'argent est où Dieu veut que tu sois. Dieu va t'amener des stratégies surnaturelles. Dieu va te donner le comment, le où, le pourquoi. L'argent est où Dieu veut que tu sois. C'est puissant, ce frère et soeur. Regarde bien. Tu n'appartiens pas partout. Tu appartiens à quelque part. Redis-le aussi. Tu n'appartiens pas partout. Tu appartiens à quelque part. Ah, dans le mariage, c'est comme ça. Et Dieu est un Dieu de timidité. C'est l'heure de briser l'isolement, l'humiliation. Terminé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais mandater pour prophétiser sur ta vie la bénédiction financière, la faveur vient à toi. Dis la faveur vient à moi dans le nom de Jésus-Christ. Faveur, tu es sur moi. J'ai la bénédiction de mon Dieu. Alléluia sur ma vie. Ah, rien n'est manquant, rien n'est brisé, c'est ce que je veux dire, shalom. Faites voir une révolution se passer, une révolution de double faveur. Frère et sœur, somme aujourd'hui, cette double faveur est avec toi. Somme le 55. Tout le monde qui va semer ce 55, je te le dis, c'est personnel à moi. Alléluia. Je vous exhorte aussi à donner la dîme à ce ministère qui t'enseigne, qui somme dans ta vie à tous les jours la parole de Dieu, qui prie pour toi. La parole de Dieu dit dans Galates 6 qu'on donne à celui qui nous enseigne. Moi, je t'exhorte à le faire. Je t'exhorte, je t'édifie, ça va changer ta vie. Ce jeune couple-là, ça a transformé leur vie. Ça a transformé leur vie. Et pour ceux qui donnent 555, on a un beau petit kit ici derrière. Wow! C'est derrière ici, On le voit, c'est une boîte. Et dans cette boîte-là qu'on va vous envoyer, ceux qui sommes 555, 555, pour moi, c'est la Trinité, c'est la faveur complète, c'est la faveur parfaite, la Trinité. Prenez ça, 555. Tu veux vraiment un changement dans ta vie? On t'envoie ça ici. On a ici une robe de chambre que tu vas pouvoir t'entourer. Et on va poser les mains sur chaque boîte qu'on va envoyer par la poste. Ceux qui ont déjà, il y en a qui ont déjà commencé à semer 555, 555. On impose les mains sur la robe de chambre. Si tu as des douleurs, ton corps, tu veux perdre du poids, si tu veux des guérisons dans ton corps, comme l'apôtre Paul, hein, dans les Actes. Il découpait les morceaux de linge et l'envoyait aux ceux qui étaient malades et tourmentés. Les démons sortaient, les maladies sortaient. Et ça va t'envelopper. Le soir, avant de prendre de coucher, tu peux même coucher avec toute l'année. Cette robe de chambre qu'on va prier pour, que le matin tu lèves et ça part bien tes journées et ça finit bien. Il y a une onction que ton corps va être restauré, va être guéri. Et ça va mettre de la faveur, l'onction de prospérité sur toi qui va découler toute l'atmosphère de pauvreté qui t'amène des maladies, des tourments physiques, va quitter ta vie. Ici, on a une paire de bas dans ce kit-là. Les bas que tu vas mettre dans tes pieds, partout où tu vas mettre les pieds, tu vas prospérer. Il y a des douleurs dans tes jambes, des guérisons dans tes pieds. Il y a peut-être, ça va amener le zèle, ramener le zèle. On va prier, on va poser les mains, pasteur Martin et moi, que lorsque tu mets ces bas-là, il y a un changement littéralement. Ton destin va s'accomplir. Les finances vont se mettre à rentrer dans ta vie. Hallelujah, il y a une paire de gants. Hein? Tout ce que tu vas toucher va entreprendre, va réussir. Tu vas imposer peut-être les mains sur ton corps en même temps pour avoir des guérisons sur ta tête, sur tes pensées. Où tu vas mettre les mains, à la page, va prospérer. Partout où tu vas aller. Hallelujah. Des études, tout ce que tu vas faire, des rénovations, des métiers, tes mains vont être bénies. Bénies dans les champs, bénies dans la ville. Hallelujah. Ici aussi, on a... Ça, c'est tellement important. Ça, ici, tu vas mettre ça sur tes yeux. Peut-être que tu as besoin des guérisons physiques, hein? Dans les yeux. Mais je te parle aussi de tes yeux spirituels qui vont s'ouvrir. Il y a des migraines, il y a des tourments, il y a de l'angoisse, il y a toutes les voies des générations vont se mettre à être brisées. On va briser les barrières générationnelles dans ta vie. Déchirer complètement. Déchirer le voile des vieilles choses sur ta personnalité, sur ton attitude, sur ton tempérament. Il y a peut-être des tourments, non, tu vas avoir peut-être des révélations, tu vas te coucher avec ça le soir, et quand tu vas dormir, non pas dans l'insomnie, ça va quitter ta vie, les migraines vont quitter ta vie. On va y poser les mains là-dessus, des révélations, des stratégies, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu auparavant, il y a des choses que tu vas voir, que tu aurais aimé ça voir depuis longtemps, mais là, ça va être révélé, il y a une onction qui brise le jour, on va y poser les mains sur tout ça. On t'envoie c'est une belle boîte ici qui est envoyée par la poste. Chers partenaires, et voilà ce que ça a de l'air. Tu reçois ça à la maison et ça va changer ta vie. Parce que l'onction brise le joug. Alors, la pauvreté doit être brisée sur ta vie et tout ce qui était venu te tourmenter, ça doit être brisé, ça doit être cassé et c'est l'onction qui brise le joug. Lorsque tu as tout essayé, lorsque tu as tout fait ce que tu pensais être capable de faire, maintenant c'est autour de l'onction. Alors je te demande 555, 555, que pour moi c'est la triple faveur, c'est la faveur complète, c'est la faveur du dessus de ta tête jusqu'en dessous de tes pieds, la faveur. Et tu vas te mettre à prospérer financièrement. Cette robe-là, non seulement ça va être une guérison dans ton corps, mais ça va envelopper d'une onction de réussite. Réussite! Il y en a qui vont mincir aussi. C'est ta réussite. Mais moi, je vous parle aussi de la réussite financière. Et c'est juste. Le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Il y a eu un prophète qui les a sortis de là. Moi, je veux te sortir de la pauvreté. Moi, je veux te sortir de juste assez. Somme. Et encore une fois, je t'encourage à donner les dîmes à ce ministère. À tous les semaines. Tu ne peux pas te permettre de laisser l'ennemi prendre la place dans ta vie. Tu dois semer dans une terre qui t'enseigne, une terre qui est fertile, une terre qui va t'amener la délivrance, des voies qui t'amènent. Pasteur Martin et moi, on est prophètes. On est des voies de délivrance pour toi. Somme dans les voies de délivrance. Somme pas dans les voies d'accusation. Somme dans une voie qui veut t'amener la délivrance. Et on te donne les outils nécessaires. Tu vas tremper dans le champ le feu du Saint-Esprit en ce moment. J'impose les mains là-dessus, puis je sens déjà, wow, le feu de Dieu. Le feu est là. Je le sens, le Saint-Esprit. Hallelujah. Le Saint-Esprit est là. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as besoin. L'apôtre Paul envoyer des linges. Et le point de contact, frère et soeur, c'est une puissance qu'on a oubliée, une loi spirituelle. La puissance, la réception, et ceux qui imposaient les linges sur eux étaient guéris. Ils attendaient ces linges-là avec impatience. Ils savaient que s'ils venaient en contact avec cette onction-là, ils étaient guéris. Élisée, lorsqu'ils l'ont enterré, et puis ont déterré sa tombe, et ont mis un homme qui était mort sur les eaux. Du moment que touchait l'onction, les eaux d'Élisée, il est revenu à la vie. Donc, même si tu laves ça, l'onction est là, comme Élisée. L'onction brise. Pierre, l'apôtre Pierre marchait et juste dans l'atmosphère qui est alentour de lui, les gens se levaient et étaient guéris. Alors, frère et soeur, c'est possible à toi. La double pendant 55. Si tu sors de 55, frère et soeur, je peux te garantir que ça va changer ta vie. Je finis, je termine avec ça, frère et soeur. On a un Dieu de bénédiction. Il veut le déverser sur ta vie. N'oubliez pas, 555, on vous envoie ce kit-là, 55 double faveur. Continuez votre bonne œuvre, restez dans la vie. Pour acheter le premier, donnez la puissance de la réception. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains. Puis, je veux dire plus loin, frères et sœurs, ils n'ont pas donné au ministère. Ils l'ont donné à Alain et Martin. Je ne dis pas de faire ça, mais ce que je vous dis, c'est qu'eux sont venus, ils ont dit, gars, on le donne dans vos mains. Bibliquement, en tant que prophète, ben voilà. Et dans la même semaine. Alors imaginez-vous quand vous semez dans le ministère de Dieu, quand vous semez dans les ministères Wookie, quand vous semez dans l'émission de Pasteur Alain ou l'émission de Pasteur Martin, l'onction flot. Tout ce qui vient contre toi dans ta vie, si tu respectes l'onction, si tu honores l'onction que sur notre vie, bang, c'est fait. Jésus, c'est pas tout le monde qui était guéri. Tout le monde qui avait été guéri, c'est ceux qui respectaient Jésus-Christ. Les pharisiens, ils étaient là, et l'Esprit de Dieu bougeait, et tous les autres étaient guéris, sauf les pharisiens. Les pharisiens n'ont rien reçu, ils ne recevaient pas Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti de Nazareth et Jérusalem est allé à Capernaum, tout le monde était guéri. Pourtant, chez lui, il dit, un prophète n'est pas maître dans sa patrie. Moi, je vous dis, l'onction, ça brise le jour. L'onction sur ma vie en 2004, je me dis... Voilà, je crois que c'est Harry, n'est-ce pas? Frère Francis, voilà tes collègues, tes anciens collègues. Je croyais que c'est moi les noirs, mais lui, apparemment, bien avant les noirs. Il a poussé plus loin. La trinité des prospérités, là, ça passe, c'est grave. Ouais, c'est terrible. Il a poussé son truc marketing beaucoup plus loin, quoi. Jusqu'à lui et sa femme. Les habits, les chaussettes, Les linges qui vont vous faire avoir des visions, oui. Les robes de nuit, si tu dois avec, tu vas maigrir. Oui. Si tu portes les chaussettes, tu vas marcher dans la gloire. Si tu mets les dents, tout ce que tu vas toucher va être béni. Mais bon, c'est tellement flagrant que c'est n'importe quoi que. Parce qu'il ne faut même pas de. Même celui qui. Ce qui est terrible, c'est que ceux qui vont toujours tomber dans le piège, ceux qui se disent chrétiens. Même le païen le plus bas niveau ne peut pas tomber dans ce piège-là, même s'il a des problèmes. Frère Francis, avant de passer la parole à la sœur Linda, je vais lui poser une question. Là, il fait ça à la télévision. Il cite de temps en temps la Bible. Ces gens-ci, eux-mêmes, ne sont pas dans une captivité qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, celui-ci particulièrement. Parce que lorsqu'on voit, il essaie tant bien que mal de citer les situations bibliques, mais même les passages bibliques lui échappent, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui l'anime, au point où dit même Saint-Esprit même? C'est l'esprit de l'erreur. C'est clairement l'esprit de perdition, c'est-à-dire que c'est un esprit d'égarement qui l'anime. Parce que même le passé, effectivement, comme tu l'as dit, c'est rien parce qu'il dit que Paul a envoyé ses linges. Non, c'est même pas ce qui est écrit. Donc il essaie de rattraper le verset qu'il ne maîtrise pas lui-même. C'est l'esprit de l'égarement, tout simplement. C'est tout simplement l'esprit d'égarement qui l'anime et qui fait qu'il n'arrive même pas à voir clairement. Même les passages bibliques n'arrivent pas à les reproduire dans leur intégralité. Et un peu de jugeur voudrait que quand on a regardé, comme le frère a donné le passage, acte 19, 12, on voit bien que ça n'a rien à voir. Que ce n'est pas Paul qui a pris ses linges lui-même pour envoyer, comme s'il prenait ça pour... Oh, il l'envoyait, mais il ne vendait pas. Imaginons même s'il l'envoyait, ce n'était pas vendu. Mais bon, lui, je ne sais pas comment il va expliquer que lui vend quand même ça. Donc, une fois de plus, c'est un vrai esprit d'égarement qui est en train d'agir. Et il dit que seul Linda, il dit que sa femme Martine et lui sont des prophètes, la bouche autorisée de Dieu, que l'onction de leur ministère brise le jour. Quand vous donnez 5, ça fait papa, ça coule dans les vies. Et là, ce ne sont pas les noirs, ce sont les blancs, la seule Linda, parle nous. Je croyais que c'était les Africains qui poussent un peu le bouchon élevé. Mais celui-là, il a même dit un Galate 7-7 que ne voit même pas là où c'est même. J'ai même pas compris sur quelle base tout. Non, Galate chapitre 6, verset 6, il dit que là comme vous enseignez dans ce ministère, il faut s'aimer, il vous exhorte de s'aimer, de donner les dîmes pour que Dieu vous bénisse davantage, pour que tout ce que vous touchez, ça vous soyez béni. Mais d'abord, quand nous restons là-bas, est-ce que tous les exemples qu'il cite, que ce soit pour l'apôtre, que ce soit pour le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ avait-il déjà guéri quelque part en prenant de l'argent à quelqu'un? Non. Qu'est-ce qui anime ces messieurs-ci d'après toi, ma chère? Je pense que c'est l'esprit de l'erreur. Je ne sais pas si... Comment on dit l'esprit de l'erreur, de l'égarement? Je ne sais pas si c'est un peu ce que Romain 2 parle, ceux qui ont refusé d'accepter la vérité et on les arrivera à l'esprit. Je ne sais pas, mais c'est vraiment... Non, c'est tellement flou. C'est tellement clair que même un non-croyant ne peut même pas tomber. Peut-être c'est un croyant qui va tomber pour cela. Parce qu'on avait encore la tête sur les bénédictions, mais vraiment, de là apporter les... ouvrons 1 Timothée chapitre 6. Voyons ce que la Bible déclare. Premier livre de Timothée au chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Vous y êtes. Verset 3 à 11, du chapitre 6, qu'est-ce que ça dit? Je lis. Oui, lis dans ta version. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. La piété est pourtant une grande source de profit. Quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plonge les hommes dans la ruine et provoque leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Jusqu'au verset 11. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? D'après ce que tu as lu, qu'est-ce que tu comprends avec tout ce qu'on a de voir là par rapport à ces gens-ci? Oui, la Bible dit quant à ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans un piège, donc c'est la séduction en fait. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rechercher véritablement le Seigneur. On doit avoir l'amour pour la vérité. La sœur Gigi, bonjour et bienvenue. La sœur Gigi, elle est là. Bon, la Bible déclare, la sœur Linda, la Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tout le, est la racine de tous les maux, et ceux qui en s'étant livrés. La sœur Gigi, bonne arrivée. Bonjour. Bonjour, frère Seigneur. Ça va, la sœur Gigi? Bonjour, Seigneur. Les frères ne veulent pas te répondre. La sœur Linda déclare. Bonjour, frère Gigi. Bonne arrivée. Tu es venu à la fin de la troisième partie de notre série sur l'église va mal. C'est terrible ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je crois que tu auras seulement le temps de réécouter sur Bamba Eba. C'est terrible ce que nous sommes en train de vivre. D'accord. Désolée parce que je savais pas. En fait, je connaissais pas le jour. C'est le père Melchi qui m'a contacté. Voilà, c'est chaque samedi, n'est-ce pas? À partir de 10h, heure du Maroc, heure du Maroc et heure du Cameroun. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Donc, ferme juste ton micro, on va continuer. On va continuer. C'est terrible. Frère Francis, ce qu'on venait de voir avec Frère Meshi, le Frère Meshi est là. Frère Meshi, qu'est-ce que tu dis de ces Canadiens-là? On pensait que c'était seulement les Noirs qui voulaient avoir de l'argent. Voilà le blanc qui vend des tissus blancs, des robes de nuit pour que les sœurs apportent pour avoir de l'onction. Qu'est-ce que tu en dis? comme les frères ont parlé. On croyait qu'il y a seulement ceux de nos côtés qui ont la parole. Mais là, on commence à remarquer que c'est encore même plus pire que chez les Blancs. Mmh. Donc, on voit déjà là un cas où c'est une personne qui est tellement séduite, qui, selon le livre même de Romains chapitre 2, où pour ceux-là qui n'ont pas accepté, n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur a donné une puissance d'égarement. On voit nettement une personne qui est conduite par cet esprit également. Déjà, nous ne connaissons même pas. Je ne pense pas que son problème de soin de méditer sur la parole, parce qu'il tâtonne d'abord beaucoup. Et non seulement dans cet tâtonnement-là, il n'arrive pas à placer le contexte de ce qu'il dit par rapport à la parole. Déjà, la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, je pense le verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et de prophète Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et Galates chapitre 1, 8, l'apôtre Paul dit là-bas que si même un ange venant du ciel annonce un autre évangile, contrairement à ce que les apôtres ont annoncé, qu'il soit anathème. Et l'apôtre Paul, dans le livre, il dit qu'il a posé le fondement. Et si on regarde le fondement, le Canadien l'a expliqué ou bien donné son enseignement, c'est exactement, c'est totalement contraire au fondement de la parole. Alors, tout ce qui est contraire à la parole, évidemment, vient d'un autre esprit. Donc, c'est un scandale d'abord en regardant cela, en écoutant, et derrière, la personne s'est dit chrétien. Et encore plus, il s'auto-proclame, entre guillemets. Alors là, ça pose un problème et on doit discerner l'esprit qui anime la personne. Donc, c'est vraiment malheureux. En tout cas, la personne, ce qu'il dit, je ne sais pas comment il va parvenir à vraiment la restriction de tout ce qu'il entend dire, ou bien la délivrance, si ce n'est que par la grâce de Dieu. Mais par rapport à nous qui écoutons, ce qui est remarquable, c'est le manque. Parce que si on ne connaît pas la parole, tout ce qu'il entend dire, ce sont des discours flatteuses. Prenons les exemples de l'apôtre Paul, prenons les hors contexte, et vouloir prendre les versets et structurer les versets pour sa propre ruine. Oui. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc c'est ça. C'est ce que même la Bible déclare, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc pour ceux qui n'ont pas la connaissance, en écoutant cela, ils vont aller placer, je ne sais pas, les yeux, afin que les yeux s'ouvrent. Donc c'est comme si les dons du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, commence à se manifester sous l'application des objets, je ne sais pas sur quelle base ou sur quel principe biblique on s'appuie pour justifier cela. Tout ce dont à laquelle il a fait mention est hors parole, hors la parole. Donc c'est un danger. Mais les gens parviennent toujours à envoyer de l'argent par poste et par chèque. 555 dollars, 555. Il commence par l'histoire de sa vie, 55, avec la guitare. C'est pareil, frère. C'est pareil, frère Junior. Aujourd'hui, les chrétiens, en général, disent que nous sommes chrétiens par rapport aux paroles bibliques, la parole déclare que nous sommes de le monde, mais nous ne sommes pas de, nous sommes pas de ce monde. Mmh. Mais les œuvres à laquelle nous faisons, exactement, ce sont les œuvres qui, non pas seulement liées, mais qui sont les œuvres du monde. En prenant l'exemple du monsieur, il donne quelques indices, je ne sais pas si je vais appeler ça clé, pour la bénédiction financière. Mais c'est exactement ce qu'on voit chez les choses à laquelle il a fait mention. Faites ceci, mettez ceci à telle place, portez ceci, les chaussettes. Voilà. Ce sont les mêmes choses que nous voyons chez les marabouts. Il y en a même d'autres de ses compagnons qui vont même aller plus loin et ils vont ouvrir la bouche et dire pleinement qu'ils vont vendre même on appelle ça des godes de bénédiction. Enfin, tout ça, c'est la séduction, c'est Satan qui est derrière et c'est pas Dieu. Et il faut vraiment la repentance pour ces gens-là. Et pour nous aussi qui nous écoutons, ça nous donne encore la motivation de vraiment lire la Bible, et de connaître réellement les Écritures, afin de ne point être séduit et trompé par ces gens-là. Voilà, nous allons suivre une dernière vidéo pour cette troisième partie. Avant la semaine prochaine, nous allons continuer parce que je dois aller pour la prière à Makepa maintenant. Ça fait longtemps que nous avons été ensemble. Suivons une dernière vidéo et on commande, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Puissance spirituelle, oui, la puissance financière. Peu bouillant le sol. Salomon, il avait la sagesse, c'est la puissance spirituelle. Salomon, dans un qui n'a pas ni un bouillant ni un bolide, mais pour soutenir son royauté, et pour la puissance financière. Et c'est quelqu'un qui fait ça, après ça y est, bouillant le sol. Si tu as la puissance spirituelle, tu manques la puissance financière, tu seras détruit. Et si tu as aussi la puissance matérielle, tu manques la puissance spirituelle, tu ne seras pas soutenu. Sauf qu'on est sur un peu dans un du loco, ça n'a pas de l'angouillé à Molimo, au Kosunga Maté. Obéis à la parole de son serviteur, et Dieu va accomplir la puissance matérielle chez toi. Avance toi, tu mets ton 100 $ et tu viens ici. La grandeur de ta bénédiction est en rapport avec ton prix de sacrifice. C'est une obéissance très populaire. Tu auras les hommes et les femmes qui s'élèvent et qui peuvent donner 100 $ pour la construction de l'État. L'obéissance très coûteuse. que ce soit 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, jusqu'à 50 dollars. 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 30, puis nous combien 50 dollars. Avancez-vous aussi. Il y a qu'à la pour et je vais prier pour vous. La bonne, c'est le dernier appel pour ceux qui doivent opérer en dollars. Quand tu donnes les dollars, tu appelles aussi les dollars. Et je t'en offre ce dollar, là, il n'y a pas quelque chose à vous prendre d'un dollar quand il y a. Ouais. Il y a quatre qui ont négocié pour une bonne délit. Les autres, nous sommes en prière. Francis, c'est tes anciens collègues. Il est où? Commentaire. Ah, bon. Je pense qu'on a essayé encore depuis le début de détailler vraiment les absurdités, les abominations qui sont pratiquées au sein des différentes assemblées dites chrétiennes. Et là encore, on vient de voir un exemple patent. De la manipulation, du mensonge, de la torsion des écritures pour simplement avoir de l'argent. On voit bien, on est face à un homme cupide qui est amoureux de l'argent et qui a mis la l'onction matérielle ou l'onction financière au-dessus, si j'ai bien compris, de l'onction spirituelle. Quand il dit que si tu as l'onction spirituelle, que tu n'as pas l'onction matérielle, tu seras détruit. Mais si tu as l'onction matérielle, que tu n'as pas l'onction spirituelle, tu ne seras pas soutenu. Donc, on voit bien que l'onction qui l'anime, qui est dans son cœur, c'est l'esprit de maman. Et c'est ça qui met plus en avant. Donc, il est tenté clairement de dire que si tu as l'esprit de maman, c'est beaucoup plus important d'avoir l'esprit de maman que d'avoir l'esprit véritable du Seigneur. Et on voit encore à côté les pratiques de comme un frère disait tantôt, de psychologie, de psychanalyse qui pratique en essayant de manipuler par la musique. Bon. Voilà, avec à côté, en créant une certaine atmosphère de musique, sachant bien que ce peuple-là, nos frères congolais, aiment bien danser. Donc, il est très facile d'adoucir leurs mœurs, c'est de faire passer le message en mettant une belle musique, en les faisant secouer. Et on a vu justement qu'à la fin, pendant que les gens dansaient et se tremoussaient, il était assis sur son trône tranquillement. Voilà, il était assis contemplant sûrement l'œuvre qu'il venait de faire, contemplant tout l'argent qu'il avait reçu. Parce que quand on voit la salle là assez grande, au moins c'est 1 million de personnes qui étaient là. Il a commencé en dollars, il a fini par le franc congolais. Donc toujours est-il que il est rentré dans son fonds, il a eu son chiffre d'affaires, peut-être au-delà de ce qu'il espérait, parce que la pauvre maman qui était là, qui était en train de pleurer, peut-être elle avait ses derniers 500 francs qu'elle devait nourrir ses enfants avec, et parce qu'on lui a fait croire qu'en donnant, en sacrifiant n'est-ce pas, quelque chose qui lui coûtait cher, elle aurait, elle recevrait beaucoup plus. Ouais. Donc, les gens sont là, donc il utilise cette position, entre guillemets, d'homme de Dieu, pour pouvoir dire que si vous obéissez au prophète, vous obéissez à Dieu, Dieu va vous visiter, et etc. Donc, là, c'est tout, c'est-à-dire le condensé, c'est-à-dire la caricature même de la dénomination se retrouve dans cette vidéo-là. Une chaise royale sur laquelle il est assise et qui lui est réservée à lui et sûrement sur celle, la chaise d'à côté à son épouse, pendant que d'autres sont en train de couper sur des chaises cassables et qui en plastique qui vont se casser d'un moment à l'autre. Cette manière, effectivement, lui, la chorale. Lui, il est ventilé, même malgré qu'en veste, il n'a pas la sueur, il est ventilé. D'autres coulent la sueur. Il est ventilé. On voit à côté une chorale qui est là, qui va jouer son rôle. L'estrade qui est là, la prédication qui est donnée, qui n'a aucun fondement biblique. Et à la fin, donc, le but final, c'est de recevoir le maximum d'argent et de continuer à pérenniser son entreprise. Donc, là, si, imaginons qu'il le fait chaque dimanche. Imaginons que chaque dimanche, c'est la même répétition qui est faite. Ben, j'imagine que ça... Comment un tel monsieur va-t-il laisser le moyen de s'enrichir aussi facilement? Il va être difficile, bien que tu peux lui montrer que c'est anti-biblique ce qu'il fait, il va être difficile de laisser cela et il va continuer à, malheureusement, à se faire de l'argent sur le dos des gens. Et aussi, malheureusement, aussi, on leur parle de responsabilité parce qu'on jette souvent la pierre au pasteur. Mais il faut dire que si leur cœur n'est pas attiré par ça, ils n'iront pas. On ne les a pas forcés. Donc, quelque part, ça veut dire que ceux aussi qui participent à ça, quand ils se présenteront devant le Seigneur, ils diront pas non, on m'a forcé à le faire. C'est que sûrement dans leur cœur, il y a aussi ce désir de cupidité. Parce qu'on ne peut tromper quelqu'un qui a l'amour même de l'argent dans le cœur. Si ces personnes, ces personne n'avait pas cet amour dans le cœur, il ne serait pas là. Il est aussi vrai, on connaît qu'il y a certains qui, malheureusement, sont dans la misère, et face à la misère, on leur propose des solutions pour en sortir, et bon, malheureusement aussi, elles se laissent entraîner, et on ne peut que supplier le Seigneur, ça va être mon mot de la fin pour moi, voilà. Supplier que le Seigneur puisse les aider. Frère Joben, on a entendu les gens crier le nom du Seigneur, les chansons n'étaient pas faites au nom du pasteur, ni au nom d'un démon. Ils ont chanté au nom du Seigneur. Les gens criaient là-bas, intercédaient au point où on a vu même les gens qui tombaient des chaises au nom du Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de cela, mon frère Joben? Oui, frère Junior. En fait, en lisant Luc chapitre 22 ou encore Matthieu chapitre 24, la Bible dit que de faux Christ s'élèveront. Et le mot Christ signifie tout simplement ouin. Ça signifie ouin. Donc, il y a des fausses onctions qui s'élèveront. Et sachez bien que les magiciens, les marabouts, les sorciers savent maintenant que personne ne s'intéresse à eux dans leur maison sale, quand ils sont sales. Personne ne veut plus se rendre dans un village pour aller faire des choses, pour aller savoir son avenir, quoi. Et donc, ils sont dans l'eau, ils n'ont plus de finances. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans un supermarché, s'achètent de bons vestes, et voilà, ils décident de construire des endroits qu'ils appellent églises. Et ils ne pourront pas écrire Église de Satan de temps de la fin. Parce qu'en écrivant Église de Satan, les gens ne viendront pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire Église de Jésus. Et puisque l'esprit de maraboutage qu'ils ont est le même esprit qui opère les mêmes choses dans l'endroit où ils se trouvent à présent, c'est tout à fait normal que les gens viendront toujours sans se rendre compte qu'en fait, c'est la même personne qui était dans un village qui faisait le maraboutage qui est maintenant là en train de prononcer le nom de Jésus. En fait, les gens se rendent là-bas, comme je l'avais dit déjà il y a bien peut-être 2 heures du temps de cela, que effectivement il y a des miracles, il y a des choses qui se font, qui se passent là-bas. C'est pour cela que les gens partent. En fait, ces gens sont victimes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des miracles, ils veulent des signes. Quand un problème surgit dans leur vie, ils veulent que le problème finisse. Au lieu plutôt de chercher le Seigneur qui est capable de donner la paix pendant que tu as le problème, ils veulent que le problème finisse. Les pasteurs, sachant bien cela, profitent maintenant de cette faiblesse. Parce que plus ils ont des problèmes dans leur vie, plus ils voudront des solutions. Et donc, plus les pasteurs vont les arnaquer. Le nom de Jésus, bien sûr, est prononcé dans ces assemblées, mais c'est normal, on ne peut pas prononcer le nom de Satan. Qui s'inviterait dans un lieu où on prononce le nom de Satan? Même un mondain n'irait pas. Donc, c'est tout à fait normal qu'on prononce le nom de Jésus et qu'il y ait même des chairs de poule, que les gens tombent en transe. C'est normal parce que le diable est puissant. En lisant dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle d'un ange dont un pied se trouve dans la mer et un autre sur la terre. Et si Lucifer, qui est l'ange qui avait la prééminence sur tous les anges de Dieu, Lucifer serait comment? C'est un ange terrible. Bonne question. C'est-à-dire, oui, c'est un ange terrible. C'est pas un être à amuser avec. Il est terrible, Lucifer. Les gens ne comprennent pas cela, pensent que Lucifer, c'est quelqu'un comme ça où on peut jouer avec, blaguer avec. Il est capable d'opérer des miracles, il est capable de guérir, il est capable de donner tout ce que tu veux. Selon ta convoitise, il te le donne. La preuve, voici son monde qu'il a construit, avec ses inventions qu'il a faites et qui s'assèrent les humains. Effectivement. La première vidéo, avant celle qu'on vient de regarder, le blanc qui parlait, mais ça c'est la façon dont ceux de New Age parlent, ceux qui pratiquent la doctrine du New Age, ou bien encore ceux qui pratiquent comment on appelle ça, le truc des tarots, les médiums. De quoi encore là? Oui, les médiums. C'est ce qu'il parle, Frère Junior. Moi, quand j'ai entendu, quand il a commencé à parler jusqu'à la fin de la vidéo, c'est ce que je voyais. C'est un homme qui pratique le New Age, qui pratique ces choses-là. Et voici maintenant, devant tout le monde, il se présente comme un serviteur de Dieu. Mais en réalité, il suffit de voir la façon dont il parle, tu comprends que c'est un homme qui pratique comment on appelle ça déjà, les histoires du New Age. Il faut maintenant que le Seigneur t'ait déjà fait sortir de cet endroit, il t'a purifié pour que maintenant tu comprennes que celui qui est en train de parler là, pratique telle doctrine. Merci Frère Jobé, merci Frère Jobé. Frère Melchi, je vais citer ces pasteurs congolais. Tu sèmes en dollars, Dieu te donne en dollars. Commentaire. Je pense que c'est Sonny Kafuta. C'est Sonny Kafuta. Il s'appelle comment? Sonny Kafuta. Sonny Kafuta. Ouais. C'est l'un des voleurs de la RDC. Ils sont nombreux. Oui. Ils sont nombreux. Ils germent comme des champignons maintenant en RDC. Vraiment, c'est des églises en RDC. Mais même dans ces organisations-là, la majorité, c'est par rapport à ce qui même est dit, de ce que le frère Jeben a mentionné. À l'onction, en effet, qui opère dans ces temples-là. Et beaucoup, ce sont les femmes qui sont victimes, premièrement. Ça atteint vraiment beaucoup les femmes. Dans le pourcentage, la probabilité la plus élevée, c'est d'abord les femmes. Et même par rapport au Saint-Esprit, quand ça se manifeste, la Bible déclare que les fruits du Saint-Esprit, parmi ces fruits, il y a la tempérance. Donc, la manifestation du Saint-Esprit, ça vient, on ne peut pas voir que beaucoup de gens commencent à tomber, des gens qui vont aller tomber de 3 mètres. Il y a tous ces spectacles par lui-même, le Saint-Esprit, pendant qu'il était sur terre, les gens lui touchaient, les gens marchaient à côté de lui, les gens, il y avait une foule qui le suivait tout le temps, mais cette foule n'était pas projetée, comme on voit aujourd'hui, en voulant camoufler ces genres de pratiques, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Donc, par rapport à ça, c'est clair, par rapport au discernement, que voilà, c'est pas l'onction, en fait, du Seigneur qui est ici. Parce que ça contredit la manifestation du Saint-Esprit. Et par exemple, le cas de Salomon. Il dit que si tu as une puissance, si tu as la puissance spirituelle et que tu n'as pas la puissance matérielle, tu ne seras pas soutenu. Et il prend l'exemple de Salomon qui avait la sagesse. Et il parle que Salomon avait la puissance de la sagesse. Il fallait que cette puissance de la sagesse-là, il fallait que Dieu puisse lui donner la puissance matérielle qu'il puisse bien gérer. Mais on se pose par la question, le Seigneur Jésus-Christ, il avait la sagesse plus que Salomon, mais où était la puissance matérielle que le Seigneur avait, qu'on observe de la parole? On se pose les questions, l'apôtre Paul, les apôtres, on pose même la question, Jean-Baptiste, qui a été rempli du Saint-Esprit même dans le sein de sa maman. Où était la puissance matérielle? Donc là, ça pose un grand problème. Il met encore l'accent sur l'offrande. L'offrande qu'il faut donner pour la construction du temple. Je me demande, est-ce que les dirigeants des assemblées vraiment ont cet amour, vraiment ce désir que Puissant chapitre 1 déclare qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Oui. Est-ce qu'ils méditent vraiment la parole? Est-ce qu'ils ont le temps de lire la parole ou ils ont juste le temps d'écrire les livres et les vendre? Parce qu'en lisant la parole, on remarquera tout simplement dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 16, même chapitre 6, que le temple, en effet, ce n'est pas un bâtiment. C'est nous, on est le corps du chrétien qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, comment l'homme va bâtir un temple? L'apôtre Paul a dit, en baptisant, on ne bâtit pas des temples faits de main d'homme, mais on bâtit les temples que nous sommes le Saint-Esprit par la parole qui était plantée. Donc, par rapport même à ça, il a appuyé le fait que Salomon avait vu la vision. Salomon, dans la commission que le Seigneur lui a donnée pour la construction, a déclaré par ses mots en prophétisant que est-ce que le Très-Haut habiterait-il dans la maison faite de main d'homme? Et l'apôtre Paul répète ça dans Actes chapitre 17, verset 48. Est-ce que Salomon avait demandé les richesses physiques? Non, la prière de Salomon, c'était la sagesse. Quand Salomon a prié, il a demandé la sagesse de bien guider le peuple. Et que le Seigneur, maintenant, quand il répond à Salomon, il dit, puisque tu ne m'as pas demandé ceci, comme la richesse et tout autre là, il a demandé ce qui, en effet, était agréable à Dieu. Et que Dieu, lui-même, de son propre gré, a ajouté. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Gigi, puisque j'ai vu la... Oui, le frère Joben. Je voulais terminer. Oui, frère Benchi, vas-y. Je voulais terminer par rapport à l'observation où il était assis sur un trône, où il était, comme le frère Francis vient de le dire, que les membres, ou bien les souris, sont sur les chaises en plastique. Il y a d'autres qui souffrent, qui, 2 heures du temps, sont assis, en tout cas, des courbatures, même lorsqu'ils se lèvent. Et lui, il est là-bas, comme vous l'avez su le dire, il n'y a pas la sueur, il est à l'aise. Quand on lit la parole, ces gens-là se trouvent dans Jacques chapitre 2, il se trouve dans Matthieu chapitre 23 qui les réprimande. Et ce sont les mêmes personnes, en effet, qui ont l'esprit qui avait même Dieu trèfle. Explique-toi, parce que les gens nous écoutent, il y a des gens qui certainement ne sont pas aguerris avec la Bible. Quand tu dis que ces gens-là se trouvent dans Matthieu 23, dans Jacques 2, qu'est-ce que tu veux parler de façon explicite? De façon explicite et claire, ce sont les gens, en effet, qui se lèvent, qui veulent se lever au-dessus. Et qui prennent une autorité pour commander. Il veut être la Alors, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Il doit la être paix. Le premier dans l'Église. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que Matthieu 23, dans Matthieu 23, Jésus donc le dit à ceux-là? Donc, on peut le lire. Dans Matthieu 23, je peux ouvrir vite fait. Oui. Dans Matthieu chapitre 23, par rapport à ces gens-là, la Bible déclare. Alors Jésus parlant à la foule, à partir du verset 1, et à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ils ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être ainsi. Ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre père. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élevera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà. Amen. Donc, on a dit que le plus grand parmi vous sera sur l'estrade. C'est ce que Jésus a dit, non? Non. Frère Jobin, tu as la parole. Oui, frère Junior. Mm. J'allais te poser cette question depuis longtemps. Mm. Et si le Seigneur le voudra, puisses-tu nous prendre un jour pour nous parler exactement de la définition de l'onction? Parce qu'on entend beaucoup ce mot utilisé partout, onction, onction, onction. Mm. Que le Seigneur, vraiment, par sa grâce, puisse nous enseigner c'est quoi en fait l'onction. Exactement. Je crois que le frère Francis a compris le devoir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Permettez-moi de poser la question au CGJ parce qu'elle venait d'arriver. La CGJ, on a vu un grand panier et les gens ils venaient y déposer de l'argent. Et puis, chaque fois qu'on déposait de l'argent, cet homme-là s'assurait qu'il impose des mains sur le visage de n'importe qui. Quel est l'impact de ces choses-là, de cette imposition de mains à l'issue du fait qu'on est jeté? Et là, il n'impose pas les mains à n'importe qui. Mais à tous ceux qui viennent jeter les gens dans ce panier-là. Et généralement, dans les églises aujourd'hui, dans les organisations religieuses, il y a des gens qui souhaiteraient tellement que l'homme de Dieu lui impose les mains au point où il va déposer l'enveloppe au pied, essuyer les pieds pour qu'on puisse lui imposer les mains. Avec les grosses bagues, les. Comment vous appelez ça, les chevaliers. Qu'est-ce que tu en dis, la soeur Gigi? Ah, vraiment, c'est malheureux. Et vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et je pense que j'ai pas vraiment grand chose, j'ai pas vraiment beaucoup à dire parce que j'ai vraiment très bien suivi les frères. Ils ont déjà presque. Je ressens juste de la pitié pour ces personnes-là et c'est dommage quoi. C'est dommage. Merci beaucoup, ma ça soeur. Ça fait pitié, ça fait mal. Merci beaucoup. Mais frère, Seigneur, par contre, je voulais comprendre. Oui. Quel est l'esprit qui les anime? C'est ce qui a été au développement. Carrément, ou c'est l'ignorance? Oui, on a développé ça dans la première partie, la deuxième partie, et on en a avancé. C'était pas là, oui. Donc samedi prochain, ne rate pas à l'heure, n'est-ce pas? D'accord. Merci. Ferme ton micro le temps qu'on y pose la question. La soeur Linda, tu as dit tout à l'heure là, que lorsqu'on faisait les Kingdom Millionnaire, tu es allé là-bas, le milliardaire, toi tu n'as pas pu être milliardaire. Mais voilà les gens qui s'aiment, ils tendent les têtes pour qu'on puisse mettre la main avec la chevalière là. Quel est l'impact de ces choses et pourquoi les gens veulent à tout prix qu'on les impose des mains comme ça? Bon, moi je vais prendre l'exemple sur moi pour savoir, pour dire, parce que même le frère a parlé que beaucoup de femmes en sont victimes, effectivement. Déjà, comme au début, on a dit que la femme elle est attirée au bling-bling. Moi, quand je partais là-bas, je voulais vraiment qu'on impose les mains. Je ne sais pas, comme si tu te sens comme tu seras vraiment béni. La bénédiction va venir vite, vite, tu vois, du tic au tac. Et quand on t'impose, bon, je me suis fait imposer les mains. Une fois, quand on t'imposait les mains, tu te sentais comme si ton cœur est devenu tellement léger. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai dit que même au niveau des témoignages, de ceux qui disent que vraiment ça a été fait, je crois qu'il y a aussi un esprit qui vient, tu vois. Parce que comme j'ai dit, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai témoigné ce jour. Et après avoir une vision toujours là-bas, j'ai témoigné. Donc, c'est vraiment bizarre. Il y a aussi un esprit. Et malheureusement, avec le cœur, la soif de posséder aussi que la plupart de nous avions, parce que si on vient à quelqu'un parce qu'on veut résoudre nos problèmes et qu'on dit qu'on vient à Jésus, mais en fait on vient au pasteur, on ne vient pas vraiment à Jésus, on vient voir plutôt la personne qui est devant nous parce qu'on a entendu parler, on a eu des échos, ça commence comment, on te dit ah je suis parti là-bas, le pasteur a prié pour une fille, la maman elle a manifesté, c'était fini. Donc, je me souviens même quand, avec un des pasteurs, quand nous avons envoyé, partagé les tracts, j'étais avec une dame. Elle dit, sur les tracts, il faut qu'on écrive là-bas délivrance, parce que si on n'écrit pas délivrance, les gens ne vont pas venir. Dans les mensonges comme ça, on essaie de manipuler. Oui, elle a dit ça. Bon, parce qu'on partait s'évangéliser un peu, non? Donc, quand tu parles, tu parles, tu donnes un peu les tracts. Elle a dit non, il faut qu'on écrive là-bas délivrance parce que si on ne dit pas délivrance, les gens ne vont pas venir. Donc, c'est là où moi, ça m'a fait un genre. Je dis ah, ok, mettons-nous cela. Donc, je comprends que Et puis, en plus, on cherche toujours les grands hommes de Dieu. Quand on est au Cameroun, on se dit, il faut qu'on aille au Nigeria voir tel pasteur, Joshua, pasteur Chris, tu vois, les trucs comme ça. On essaie d'avoir les gens influents, les gens qui ont plus de membres. Donc, tu vois que clairement, ce n'est pas chercher le Seigneur Jésus. C'est juste, on veut avoir. Et comme on se retrouve comme ça, on est dans l'égarement. On est vraiment dans l'égarement parce que quand je pense aux dénominations, sincèrement, pour moi, ça me fait beaucoup de mal. Je n'ai pas vraiment été là-bas assez longtemps pour, mais je vais dire mon expérience. Déjà, j'ai vu des personnes qui ont déjà tout donné, au point de donner même le téléphone, l'ordinateur, le téléphone. Il dit que non, c'est la bénédiction. Si tu donnes à l'église, Dieu va aussi te donner. Laver les habits, nettoyer les chaussures, et le prophète laver les habits, ne pas être à la maison pendant même pratiquement 2 mois. C'est terrible. C'est terrible. En attendant, donc, nous continuons cela la semaine prochaine dans la quatrième partie dans cette série-ci. On va aller jusqu'à éplucher tous les différents contours du mal qui se trouve au milieu de l'Église. Frère Francis, qu'est-ce qu'on peut conclure à l'issue d'aujourd'hui? Je pense que, donc, au vu de ce qu'on a pu balayer, depuis qu'on a commencé à partager sur ce sujet, la conclusion est que, comme je disais plus tôt, toute dénomination aujourd'hui dite chrétienne est le fruit de l'esprit du monde, est le fruit de l'esprit de Satan. Le maître qui se cache derrière toute dénomination chrétienne n'est ni plus ni moins que Satan en personne. Et il utilise donc la séduction pour ne pas se montrer sous son vrai visage. Il utilise le nom du Seigneur pour faire croire que effectivement c'est le Seigneur qui est derrière. Et il accompagne cette séduction de différents types de miracles, de prodiges et autres pour garder effectivement les gens dans la séduction. Et toutes les personnes qui s'y trouvent, qu'elles acceptent ou pas, qu'elles en soient conscientes ou pas, elles sont sous la coupole de Satan. Et on ne peut lancer qu'un seul appel véritablement par rapport à ça, c'est le Seigneur l'a déjà dit, si vous écoutez ma voix, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Il faut sortir de ce milieu-là. Il faut rechercher le Seigneur. Et lorsqu'on est sorti, effectivement, il ne s'agit pas d'aller dehors reproduire les mêmes types de tares qu'on est en train de dénoncer. Il s'agit vraiment d'aller se mettre au pied du Seigneur et d'attendre d'être entièrement nettoyé pour pouvoir enfin marcher sur le chemin que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Donc, véritablement, voilà, je peux dire en résumé, le mot de la fin, c'est que les dénominations, quelles qu'elles soient, quelles tendances qu'elles soient, catholiques, protestantes, pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez, ne sont que des suppôts du diable et qu'il faut vraiment, vraiment que les gens sortent de là et recherchent le Seigneur Jésus pour marcher dans la vérité authentiquement à ce que le Seigneur veut. Parce que on va le voir pas dans la suite des choses, je pense que le Seigneur permettra, on va analyser vraiment. Pourquoi est-ce que tel aspect, pourquoi est-ce que telle chose, nous disons que ce n'est pas du Seigneur, parce que on est en train de montrer le portrait de ce qui est en train de se passer actuellement, mais bien le temps, si le Seigneur le permettra, de maintenant d'aller de porter chaque tâche, cette tâche, ce n'est pas du Seigneur, parce que voici ce que le Seigneur dit. Parce que, comme on disait tantôt, il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit vraiment d'interpeller les gens, de prendre les fonctions pour que ceux des enfants du Seigneur qui s'y trouvent encore à l'écoute et en entendant la voix du Seigneur résonner sortent de là et se mettent enfin sur le chemin que le Seigneur a pris. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre cela, que le Seigneur nous mette à ses pieds et qui, j'aime bien ce verset, nous donne d'avoir un cœur entièrement disponible et disposé pour lui, un cœur qui lui soit entièrement attaché et ce, sans réserve, afin de ne pas tomber dans les pièges de nous. Mais si nous sommes de lui, nous avons cette garantie et cette certitude que nous ne tomberons pas dans le piège de Satan parce qu'il veille sur nos pas. Voilà qui est Blendy. Maroc dans la sainteté, bonne soirée et à la prochaine si le Seigneur le permet. Bon samedi, bon week-end, que le Seigneur nous bénisse. Nous bénisse. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. On va les saluer, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Bonne soirée. Au revoir. Jésus, mon plus cher désir, c'est te suivre toute ma vie. Ton histoire nul n'est comparable à et tu connais chacune de mes voix. Dieu de l'infini, toi qui m'as aimé, avec toi je vivrai l'éternité. Tu es tout pour moi. Tu connais chacune de mes voix.